السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes mercredi 5 Muharram بإذن الله 1428 c'est-à-dire le 24 janvier 2007 بإذن عز وجل. Nous sommes toujours avec Sahih al-Jama le Cheikh al-Albani rahimahullah. Le dernier hadith qu'on a vu la fois passée, c'était le hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala parlait et avait dit que quiconque faisait la guerre, disons, ou prenait comme ennemi un de mes alliés, celui-là, ça veut dire lui ai déclaré la guerre. Celui-là, je lui ai déclaré la guerre. Bon, écrit, c'est déclaré. Ensuite, où il est dit aussi que وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il n'y a pas quelque chose que j'aime, des choses que mon serviteur fait, comme lorsqu'il fait la chose obligatoire. C'est contradictoire que quelqu'un fasse par exemple le surérogatoire et ne fasse pas l'obligatoire. Donc on commence toujours par quoi? Par l'obligatoire. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Ensuite Allah ta'ala a dit et voilà mon serviteur toujours en train de se rapprocher de moi avec quoi? Avec les nafila, pas avec l'obligatoire, avec les surérogatoires, donc avec les adorations, je dis pas seulement les prières, les adorations surérogatoires. Il y a les prières surérogatoires, il y a les siyam surérogatoires, il y a hajj surérogatoire, il y a umra surérogatoire, il y a l'aumône surérogatoire, et comme ça, ces choses là qu'est-ce qu'elles font? Elle rapproche Allah subhanahu azza wa jal. Donc il a dit voilà mon serviteur en train de se rapprocher de moi avec les surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, jusqu'à ce que je l'aime. Masha'Allah. Ensuite il a dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي سَمْعُ بِهِ. Si je l'aime, je serai son oui avec laquelle il entend. Naam. Et بَصَرُهُ وكنت بصره الذي يبصر به et je serai sa vue avec laquelle il voit. ويده التي يبصر بها je serai sa main avec laquelle il prend. ورجله et je serai son pied avec lequel il marche. Allah العظيم. Cette personne devient presque infaillible, presque qu'elle se trompe pas. Sa main est toujours dirigée vers les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Son oui est toujours dirigé vers ce que Allah Azza wa Jal. Donc il n'écoute que le halal. Son regard ne voit que le halal. Son pied ne part, ne marche, ne se dirige que vers le halal. Naam. Tout ça c'est quoi? C'est les surérogatoires. C'est le nawafil, qu'est-ce qu'elle font? Nawafil, naam. Ensuite il a dit وَإِنْ سَأَلَنِي لَعَطِيَنَّهِ. Et encore, puisque cela, s'il me demande, je lui donne. S'il m'invoque, il me fait des doigts, je lui fais quoi? Je lui exauce. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Le temps qu'il n'y a pas le surérogatoire, tu peux faire des doigts, peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Non, peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Mais Allah Azza wa Jal, quand il dit une chose, c'est une chose. Il a dit, mais s'il y a la nafila, quand il me fait des doigts, je lui donne, bi'idnillah ta'ala. Wa ista'adani la'u'idanna. Et s'il se réfugie auprès de moi, je le couvre, ou là, je le défends. وما ترددت عن شيء نفعله تردد عن قبض نفس المؤمن. يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. Et je n'hésite pas, ou je n'ai jamais hésité devant une chose comme mon hésitement devant quoi? Devant mon serviteur, yani ce serviteur bien sûr, qu'il aime, devant mon serviteur qui va mourir. Yani, il a dit, يكره الموت, mon serviteur déteste la mort, et moi je ne voudrais pas yani, faire ce qu'il déteste. Je ne voudrais pas faire ce qu'il déteste. Voilà, Bouddha l'a humilié. Mais il faut qu'il meure. Mais il faut qu'il meure. Et des fois, bien sûr, la mort est mieux que la vie. Des fois, pour certaines personnes, la mort est mieux que la vie. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient pieux, etc., ce qui les attend, c'est beaucoup, beaucoup. C'est incomparable avec ce qu'ils ont ici. Donc, la mort pour ces personnes-là, c'est mieux que la vie, bien sûr. Mais personne, comme vous savez, n'a le droit de demander qu'il meure, surtout si c'est à cause d'un mal, si c'est à cause d'un mal. Mais il dit comme dans le droit, اللهم احييني كانت الحياة خيرا لي وتوفني كانت الموت خيرا لي. Il fait choisir Allah subhanahu wa ta'ala, lui dit Allah, si yani, la vie est mieux pour moi que la mort, fais-moi vivre encore. Si la mort est mieux que moi, est mieux pour moi que la vie, fais-moi mourir. Naam, c'est pas lui qui choisit. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui choisir. Le hadith d'aujourd'hui, bi'idnillahi azza wa jal. Naam. D'abord, je commence par vérifier. Dites-moi le sens, s'il est normal. Le sens, s'il est normal. Le micro, s'il n'est pas loin, s'il n'est pas près, s'il vous entendez normal. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1796, hadith authentique. Il a dit Inna Allah ta'ala kataba al-hasanat wa si'at. Allah azza wa jal a écrit les hasanat et les si'at. Vous savez ce que c'est une hasana? Quand on fait quelque chose, Allah azza wa jal nous donne une hasana, une récompense. Les si'at, c'est quand on fait quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, que Allah azza wa jal a dit de ne pas faire, on a alors quoi? On a si'at. Non. ثم بين ذلك. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a montré. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il a dit ثم بين ذلك. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a montré ces choses. Yani a montré الحسنات et السيئات. Il a dit فمن هم بحسنة لم يعملها كتبها الله له كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. نعم كتبها حسنة كاملة. نعم سلفية 54 كيف الله يكيب. نعم اسمح لي الشيخ اسمح je disais que الله سبحانه وتعالى maintenant va nous montrer comment qu'il fait avec nous question de hasanat et question de siyyat. Comment qu'il fait? Il a dit فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له تعالى كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. Regardez فضل الله سبحانه وتعالى. Regardez الله سبحانه وتعالى يعني comment qu'il est envers ses serviteurs. Comment qu'il est envers ses serviteurs. Il a dit seulement tu avais seulement dans l'intention de faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime et que tu ne fais pas, il te donne la hasana, il te donne la récompense complète. Subhanallah al-Azim. Seulement le fait de quoi? D'avoir fait l'intention. Non. Seulement le fait d'avoir fait l'intention, Allah subhanahu wa ta'ala te donne quoi? Te donne la récompense, mashallah, complète. Non. فإن هم بها فعملها. Maintenant, il a seulement fait l'intention. Il a seulement fait l'intention. Il n'a pas fait la chose. Le serviteur n'a pas fait la chose. Il a seulement fait l'intention. Allah Azza lui a donné quoi? Lui a donné la récompense complète. Maintenant, il a dit فإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده عشر حسنات. Maintenant, il s'est dit, il a fait l'intention de faire quelque chose, une bonne action. Ensuite, il l'a faite. Allah Azza wa Jal va lui écrire cette hasana, cette chose qu'il vient de faire, 10 récompenses, 10 hasanat, 10. Il a sabbi mi'ati da'af, il a da'af katira. Jusqu'à, il va lui écrire au moins 10, jusqu'à quoi? Il a dit jusqu'à 700. Yani il va lui donner 700 fois plus, il a da'af katira. Jusqu'à, il a dit yani plus, c'est illimité. Non, ça dépend de quoi? Comme vous savez, ça dépend de la sincérité. Ça dépend de la sincérité et de la piété qu'il y a dans le cœur. Donc ce hadith, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu fais seulement l'intention dans ton cœur, Khalina, je donne des exemples, c'est mieux. Je donne des exemples. J'étais en train de voir, par exemple, compter mon argent là, ensuite je me suis dit, demain, je vais donner 10 euros. Je les ai mis de côté, par exemple. Ah. Ensuite, le lendemain, je ne les ai pas donnés. Ah. J'ai changé d'avis ou j'ai oublié. Même si j'ai changé d'avis, Allah subhanahu wa ta'ala va m'inscrire quoi? Yani, c'est comme si j'avais fait j'ai déjà une récompense. Allah azzawajal va me donner une récompense. Quoi? Parce que le fait d'avoir dit, demain je donne. Et je n'ai rien donné. Le fait d'avoir dit, demain je vais faire le jeûne. Le fait d'avoir dit, demain je vais aller à l'hôpital visiter quelqu'un. Seulement, l'intention donne déjà la première récompense d'Allah azzawajal. Maintenant, le hadith a dit, maintenant, si tu fais l'intention et tu fais la chose, il a dit, tu as 10 hasanat, tu as le minimum 10 récompenses jusqu'à 700 récompenses, jusqu'à plus. 7000, 70000, 700000, et tu montes. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait combien. Pourquoi? D'après la sincérité qu'il y avait dans le cœur. Je vous ai dit une fois et je redis aussi que deux personnes peuvent donner la même somme à une même personne, par exemple. Deux personnes, Ali et Omar, vont donner 1 euro à Farid. Ali a donné 1 euro à Farid et Omar a donné 1 euro à Farid. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va écrire à Ali 700 récompenses et peut-être qu'il va écrire à Omar 7000 ou peut-être seulement 10 minimum. Hein, pourquoi? D'après ce qu'il y a dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans le cœur et c'est lui qui décide combien qu'il donne. La sincérité qu'il y a dans le cœur, ça diffère d'une personne à l'autre. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Je donne un exemple. Pourquoi celui-là, il a pris seulement 10 récompenses, l'autre 700 ou les 7000 ou les 70000? Peut-être que celui qui a, le premier, qui a pris beaucoup de hasanat et qui a donné seulement 1 euro comme l'autre, a dit dans son cœur, si j'avais, j'aurais donné plus. Si je n'avais pas besoin de cet argent pour acheter des médicaments, ça, j'aurais donné plus. Si je n'avais pas besoin de cet argent pour payer mes dettes, j'aurais donné plus. Alors ça, l'Azawajal le sait. Donc il va lui donner d'après ses intentions. Tandis que l'autre qui a donné 1 euro, peut-être que yani, il a donné seulement avec seulement cette intention. Il va avoir 10 récompenses, c'est tout. Non. Ensuite il a dit, wa in hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha, katabaha Allah lahu 'indahu hasana kamila. Ici, si il met dans l'intention de faire une mauvaise action, en intention. Ensuite, il a dit, fa lam ya'malha. Ensuite, il ne la fait pas. Naam, kataba Allah lahu 'indahu hasana kamila. Allah azza wa jalla lui écrira une récompense complète. Masha Allah, fadlullah azza wa jalla. Regardez, fadlullah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un dit, demain je vais voler. Dame, demain je vais voler. Ensuite, il a dit, il ne fait pas. Il ne vole pas. Le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il lui écrira une récompense complète. Mais, d'autres hadiths montrent pourquoi il doit, pour avoir la récompense, il doit ne pas faire la chose yani, qu'il avait l'intention de faire dans le haram. Il doit ne pas la faire à cause du visage d'Allah. Non. Il y a une grande différence entre celui qui avait l'intention de faire le mal et il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas pu arriver à ses fins, et celui qui avait l'intention de faire le mal et ne l'a pas fait parce qu'il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges, écrivez-lui une récompense, et à celui qui voulait faire une mauvaise action, il l'a pas faite. Même les anges se sont étonnés. On lui écrit une récompense. L'azul a dit, nam, tarakaha min jarra'i. Il n'a pas fait la mauvaise action à cause de moi. À cause de moi, ça veut dire qu'il a eu peur de moi. Quiconque a peur, la seule, déjà la peur, c'est une récompense que tu as pour avoir eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais celui qui a dans son cœur l'intention de faire une mauvaise action, et il essaye par exemple et il n'arrive pas à faire, celui-là, il lui écrira comme s'il avait fait la mauvaise action. Le délil dans le Bukhari et d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, celui qui tue et celui qui sera tué iront en enfer. Ils ont dit à Rasulallah, celui qui tue, on a compris pourquoi il a tué, il a fait un crime. Mais celui qui a été tué, c'est quoi son péché? Il a dit, ne voulait-il pas tuer lui aussi son frère? N'insistez lui aussi, et n'insistez pas pour tuer. Pourquoi il a des mauvaises actions? Parce que si on ne l'avait pas tué, il aurait tué. Non, celui-là, il ira en enfer. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas tué, il aurait tué. Donc il avait l'intention de tuer. Et il n'a pas tué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a dit, classe, je ne vais pas tuer, je vais changer d'avis. S'il dit comme ça, j'ai peur d'Allah, il va lui donner des récompenses. Mais celui-là, il voulait tuer, il n'est pas arrivé à la fin, il a été tué. Donc celui-là, il a quoi? Il a des séyyiats, il a des péchés. Donc pour que vous compreniez bien l'intention, quand on fait une bonne intention, on a des récompenses. Quand on fait, même si on ne fait pas la chose, et quand on fait des bonnes intentions, on fait la chose, on a au moins des récompenses jusqu'à 7000, 70000, des milliards. Et quand on fait une mauvaise intention, on ne fait pas la chose, on va demander pourquoi on ne l'a pas faite. Si on ne l'a pas fait, la mauvaise intention, on ne l'a pas faite à cause d'Allah, celui-là, il aura des récompenses. C'est comme celui qui dit, demain, je vais, par exemple, demain, je vais, par exemple, boire de l'alcool. Ensuite, le matin, il s'est levé. Ensuite, il a dit, A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. L'alcool, c'est haram. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je n'ai pas peur d'Allah. A'udhu billahi, moi, je ne vais pas boire l'alcool. Astaghfirullah. Il ne boit pas. Celui-là, il va avoir des récompenses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exécuté son intention par peur d'Allah. Comme a dit l'Azzawajal, Tarakaha min jarra'i. Il ne l'a pas faite à cause de moi. Non, quand quelqu'un ne fait pas une mauvaise action à cause d'Allah, il a les récompenses. Mais quand il ne la fait pas, c'est parce qu'il n'a pas pu la faire. Celui-là, il a quoi? Il a des séyyiats. Il a des séyyiats. Quel est le délil qu'il a des séyyiats? Quel est le délil qu'il a des péchés? Le hadith sahih. Al-Bani a dit hadith sahih. L'homme qui a dit quoi? L'homme qui a dit, il a vu quelqu'un de très riche et qui, avec son argent, faisait le haram. Là, il faisait que le haram avec son argent. Il y avait un pauvre qu'il avait vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si j'avais de l'argent comme ce Richard, j'aurais fait comme lui. Ça veut dire j'aurais fait le haram comme lui avec son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça veut dire il a des péchés avec quoi? Avec seulement son intention. Non, le fait d'avoir souhaité de faire comme lui s'il avait l'argent. Donc attention, l'intention joue un très grand rôle. L'intention joue un très grand rôle. Non, certains gens, seulement avec l'intention, mashallah, ils remplissent leur banque de quoi? Leur banque de demain, bien sûr. Ils remplissent leur banque de récompenses, seulement avec l'intention. Non, quand tu dis dans ton cœur, demain je vais jeûner, ensuite tu changes d'avis. Là, c'est écrit que tu as jeûné. Demain je vais donner 1 euro. Là, c'est écrit. C'est comme si tu l'avais donné. Demain, je vais aller à l'hôpital voir quelqu'un. C'est écrit. Demain, c'est écrit. Masha'Allah, la quwwata illa. Regardez, seulement les gens les pieux. Ce sont les pieux, bien sûr, qui font ces intentions. Les autres, ça leur dit rien, ils ne pensent pas à ces choses-là. Ce sont les pieux, en général, qui font ces intentions parce qu'ils aiment, yani, ravir Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, نعم فإن هم بها فعملها كتب الله له تعالى سيئة واحدة ولا يهلك الله إلا هالك نعم il a dit et si s'il fait une mauvaise intention فإن هم بها فعملها أي لا في كتب الله له سيئة واحدة كتب الله تعالى سيئة واحدة. نعم الخشن حديث بإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى دي عفوا للبروفة صلى الله عليه وسلم دي دون الحديث 1813 شيخ الألباني دي صحيح أوتنتيك إلى دي إن الله تعالى الله سبحانه وتعالى لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر الله سبحانه وتعالى تغى تخيون في سا ريليجون سون دين avec qui par exemple il a dit ici avec des gens qui sont pervers subhanallah al-azim comment quelqu'un qui est pervers qui n'est pas pur et il va être un sabab pour faire triompher d'il vous savez comment par exemple non c'est très simple et pervers les kuffars de temps en temps ils veulent dire des choses sur le Coran ils veulent dire des choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils veulent dire des choses sur l'islam et ils disent par exemple le Coran il y a une contradiction entre le verset numéro 1 et le verset par exemple 113 le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait les femmes il s'est marié beaucoup et ceci cela l'islam est par exemple l'islam c'est une religion de barbarie on coupe la main aux gens on est fouette on est lapide avec des cailloux l'islam c'est barbare. Donc ceux qui disent comme ça, c'est sûrement un pervers ou un kafir. Mais quand il dit comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand il dit comme ça, vous l'avez écrit quelque chose, vous l'avez dit comme ça à la télévision, alors les savants et les musulmans vont lui répondre. Ils vont écrire des livres et vont, yani, masha'Allah, yani, écrire des choses. Si, ça veut dire que si le pervers n'avait pas parlé, n'avait pas dit cette chose, les savants, etc., n'auraient rien écrit. Et en écrivant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir des livres, mashallah. Ils font sortir des tomes et des tomes. Donc, qui a été la cause? Qui a été la cause pour que les ulamas ont écrit tout ça, par exemple? À cause de Gerber qui a voulu critiquer. Donc, il a été sabab pour faire triompher de Dieu. Donc, même le kafir, la critique, même le kafir, Allah l'azim, et le pervers, Allah l'azim, l'emploie pour, sans qu'il le veuille lui, il l'emploie pour faire triompher. Le din de l'islam, mashallah. Naam, Azzawajal emploie même le kafir pour faire triompher l'islam, mashallah Azzawajal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith numéro 1814, il a dit Inna Allah ta'ala la yuhmi ou la yuhmi abdahu al-mu'min min al-dunya huwa yuhibbuhu. كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. Je répète, إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala il aide يعني son serviteur le croyant. نعم, il l'aide. Et comment qu'il l'aide? Il l'aide, yani, il est dans cette vie. Il est dans cette vie. Des fois, en éloignant de lui la dunya. En éloignant de lui la dunya. Il a dit, wahuwa yuhibbu, parce qu'il l'aime. Allah Azza wa Jalla, quand il ne te donne pas la dunya, c'est pas parce qu'il te déteste. Allah Azza wa Jalla, que vaut pour lui la dunya? C'est rien la dunya. Donc pourquoi il ne te la donne pas? Allah Azza wa Jalla est avare. Ma'adallah. Pourquoi Allah Azza wa Jalla ne donne pas à certains gens beaucoup d'argent? Il ne leur donne pas des richesses. Pourquoi? Parce qu'il leur veut du bien. Allah Azza wa Jalla sait que certaines personnes, quand je dis certaines, ça veut dire beaucoup, yani, s'il leur donne de l'argent, il leur en donne beaucoup, ils vont couler dans le din. Ils vont couler. Naam. Wa law basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi ila baghaw fil ard, walakin yunzilu biqadri ma yasha. Allah Ta'ala dit dans ce verset, il a dit, s'il commence à donner comme ça, yani, rizq, en abondance, il y aurait eu, yani, dans ce monde la transgression, l'injustice. Il a dit, mais je descends, chouïa, je donne un peu le risque. Naam. Il y a certaines personnes qui, quand ils n'ont pas d'argent, ils doivent dire Alhamdoulilah du matin au soir. Quand ils n'ont pas d'argent, ils n'en ont pas assez. Ils ne sont pas des riches, ils sont des gens simples. Des gens simples, ça veut dire que dit Alhamdoulilah du matin au soir. je vais vous dire quelque chose. L'argent, c'est yani, quand on dit l'argent, beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'argent, ce n'est pas quelque chose de très facile. Non, ce n'est pas quelque chose de très facile. Attention, ne croyez pas que la fitna de l'argent, c'est une chose facile. Car la fitna, c'est pas seulement la kloula les femmes. La zaoujel peut, pour éprouver, te faire une fitna, te donner beaucoup d'argent. Toi qui n'avais rien, tu vas devenir un milliardaire. Hier, tu n'avais rien. Ça, c'est une fitna. Et c'est très très difficile. Et yani, ceux qui peuvent endurer et yani, sortir vainqueurs de cette fitna, entre parenthèses, ils sont yani, peu nombreux. Peu nombreux. Non. Nous tous, on dit maintenant, on est masha'Allah. On a l'iman masha'Allah, comme ça qu'on se dit. Mais, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore été trouvé. Attends demain, c'est Allah Azza wa Jal va te donner de l'argent au point que tu ne peux pas compter combien tu en as. On va voir si tu as le temps d'aller à la mosquée faire la prière. On va voir si tu vas faire sortir la requête. Car plus tu as de l'argent, plus tu deviens avare. Tu as peur que l'argent parte. On va voir si tu vas penser aux pauvres. On va voir si tu as le temps de faire la nefila. On va voir quand tu as beaucoup d'argent, si tu as le temps de faire la nefila. On va voir si tu as le temps d'assister à un dars. Tellement tu as de l'argent, tellement les usines, tellement les je ne sais pas quoi, les avions, les est-ce que tu as le temps de faire la nefila, etc. Hein, comme a dit Allah Ta'ala, on est beaucoup bi sharri wal khayri fitna. On est beaucoup, on vous éprouve avec le mal ou le khayr et aussi avec le bien, fitna. Non, les épreuves, c'est pas seulement les maladies, l'hôpital et le cancer. C'est pas seulement ça les épreuves. Les épreuves, c'est aussi le contraire. C'est aussi beaucoup d'argent. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Non. Beaucoup de nous maintenant parlent. Ils disent, moi je suis mashallah, si j'avais de l'argent, je construirais des mosquées, je ferais ceci, cela. Mais sans jamais, c'est pas sûr. C'est pas sûr que demain, tu seras riche, tu vas construire une mosquée. C'est pas très sûr. Hein? Personne ne peut savoir cela, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il a dit ici le hadith, s'il te donne pas, c'est pas parce que il ne t'aime pas, mais au contraire, il a dit ici, c'est comme, donc j'ai pas terminé le hadith, il a dit, كَمَ تَحْمُونَ مَارِدَكُمْ طَعَامُ شَرَبْ تَحْفُونَ عَلَيْهِ. Exactement comme tu as un malade, tu as ton fils qui est malade, tu ne lui donnes pas tout ce qu'il veut, par exemple, manger. Non. Pas tout ce qu'il veut manger alors qu'il est malade, je lui donne. Non. Il veut la limonade, je la lui donne pas. Il est malade de l'estomac. Non. Je lui donne que, par exemple, une soupe chaude, je lui donne des vitamines, je lui donne pas ce qu'il veut lui. Est-ce que moi, quand je prive mon enfant, c'est parce que je l'aime pas? Au contraire, c'est parce que tellement je l'aime que je dois le priver. Je dois lui faire le régime pour que il guérisse. Allah Azza wa Jalla, quand il donne pas, c'est la même chose. C'est parce que tellement il t'aime qu'il veut pas que tu perdes le chemin. Car il sait que s'il te donne, tu vas perdre le chemin. Non, il sait que toi tu dis je suis mashallah, mais toi tu n'as pas encore vécu, tu n'as pas encore eu l'expérience. Mais là je sais, c'est que s'il te donne, là tu vas couler, tu vas peut-être même t'égarer. Donc s'il ne donne pas, c'est par rahma et shafaqa. Ce n'est pas, il ne donne pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que c'est un avare. Oulayyadu billah. D'ailleurs, là je l'ai dit. A dit dans un, le prophète a dit dans un hadith sahih, il a dit, si la vie, ce bas monde, la dunya, si elle avait le poids, janah ba'ouda, d'une aile, une aile de mouche, il n'aurait pas donné au kafir une gorgée d'eau. Regardez que ça veut dire cela. Si la vie, toute la dunya, si elle pesait quelque chose sur Allah subhanahu wa ta'ala, si elle avait une petite valeur comme une aile de la mouche. La mouche c'est quoi? La mouche c'est quelque chose de sale. La mouche c'est comme l'abeille. La mouche ne va pas au miel. Elle va aux excréments. Elle aime les excréments. Maintenant, une aile, c'est pas la mouche. Une aile de la mouche. Si la dunya valait une aile de la mouche, and Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas donné au kafir une gorgée d'eau. Mais puisque tu vois que le kafir a tout, ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que la dunya ne vaut rien chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il peut en donner au kafir, yani illimité. Pourquoi? Parce qu'il donne quelque chose qui ne vaut rien. Lorsqu'il donne quelque chose qui ne vaut rien. C'est comme s'il donnait des excréments à quelqu'un. Non. Mais, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit dans le hadith sahih, dans le Bukhari, il a dit, من يريد به الله خيرا يفقه في الدين. من يريد به الله خيرا يفقه في الدين. Allah Ta'ala te donne tout l'argent du monde, et tout l'or, et tous les diamants, et toutes les émeraudes. Ça ne veut jamais dire qu'il t'a aimé. Mais si tu veux savoir si Allah Ta'ala t'aime ou t'aime pas, il y a d'autres choses, il y a un autre signe. Lequel? C'est celui que je viens de citer, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala veut quelqu'un du bien, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui apprend sa religion. Naam, voilà le signe. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, a dit dans ce hadith, il a dit donc, par compréhension opposée, puisque le hadith a dit, quiconque Allah Ta'ala lui veut du bien, il va lui apprendre le dîn, il lui apprendre la sharia, la jurisprudence, le tafsir, le Coran, le fiqh. Donc il a dit, Ibn Taymiyyah a dit, donc quiconque ne lui apprend pas, donc quiconque n'a pas le ilm et n'a pas le fiqh, ça veut dire que c'est quelqu'un que Allah Azza wa Jal ne lui veut pas du bien. Naam. Agda, c'est par compréhension opposée. Naam. Fum mukhalafa. Naam. Donc, maintenant que chacun se voit, tu vois, est-ce que tu as le ilm ou tu ne l'as pas? Ensuite, quand tu ne l'as pas, est-ce que tu aimes le ilm au moins ou là tu ne l'aimes pas? Est-ce que tu aimes les ulama ou là tu ne les aimes pas? Est-ce que tu peux rester une heure ou là, une demi-heure ou là deux heures en train d'écouter à quelqu'un qui parle de ce que dit Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou là tu préfères écouter de la musique? Là, voilà le signe pour que tu saches, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi ou là est en colère contre toi? Naam. C'est ça le signe, un signe très important. Donc, donner de l'argent, donner tout l'or du monde, ça ne veut rien dire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne à quelqu'un le ilm, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu le connaisses encore mieux. Est-ce que quelqu'un peut connaître Allah sans le ilm? Est-ce que je connais Allah subhanahu wa ta'ala, je vais le connaître par des rêves? Je vais dormir, je vais dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a un nom comme ça, il a des noms comme ça, il a des attributs comme ça, en faisant des rêves. C'est impossible. Il faut que j'ai du ilm. Il faut que je connaisse bien la sunna. Connaissent bien le Coran, pour que je les connaisse d'après la compréhension des salaf salih radiallahu ta'ala. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala m'ouvre mon cœur et je commence à aimer ces choses, et je commence à aimer l'ilm, je commence à écrire, je commence à aller à la mosquée pour écouter, je commence à changer d'amis, je commence à m'éloigner de mes anciens amis qui ne sont intéressés que par la dunya, parce que ils sont tellement intéressés par la dunya que c'est une maladie qu'ils vont me la transmettre. Ils vont me transmettre cette maladie, c'est un virus. Et s'asseoir avec ceux qui ne parlent que de cette vie, de ce bas monde, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te donner le virus si tu n'es pas vacciné. Et tu vas aimer comme eux la dunya et courir derrière elle du matin au soir. Mais quand on marche avec les gens de ilm, les gens qui aiment la science, on te donne aussi leur virus, masha'Allah. C'est un virus, masha'Allah. J'aurais aimé que je sois malade de ce virus. Non, virus, il y en a pour aimer l'ilm, et aimer les gens du ilm, aimer les écouter, aimer les imiter, aimer d'apprendre d'eux, aimer s'asseoir devant eux. C'est comme ça. Non, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, bien sûr. C'est pour ça que, non, c'est pour ça qu'il y a un hadith, qui montre aussi quoi? Qui montre que c'est d'après, c'est quoi notre but? C'est quoi notre but? Est-ce que on vit par exemple pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour et pour l'aimer et pour connaître ses noms, ses attributs, etc. Ou là on vit seulement pour amasser de l'argent, pour manger, boire, et on sera alors comme des bestiaux. Non. Comme a dit Allah Ta'ala, « وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. » Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Et les kuffars, والذين كفروا يتمتعون يتمتعون يعني يجيب يعني في سيفا بذي تمتع في كتب إلى دي ويأكلون أي مانج ويأكلون كما تأكل الأنعام أي مانج كم مانج دي بيسيو إلى دي conclusion والنار مثل لهم et quand il va mourir qu'est-ce qui va se passer il va rentrer à جهنم والعياذ بالله نعم il va rentrer à جهنم والعياذ بالله طيب C'est pour ça qu'il y a un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith yani, il me plaît beaucoup, il est dans le Sahih Targhib, du Sheikh Al-Albani. Ce livre, yani, si quelqu'un pouvait le traduire, yani, mashallah, ce livre, il contient 4 ou 5 tomes. Je me rappelle qu'il y en avait 4, peut-être maintenant qu'il y a le 5e, je ne sais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kanatil akhiratu hammah. Regardez. Les gens, tous les gens, moi, toi, X, tous, personne ne sort de ce que je vais dire. Il n'y a que deux sortes. Quelles sont les deux sortes? Ou bien, quelqu'un, ses soucis, c'est l'au-delà, ou bien quelqu'un, ses soucis, c'est le bas monde. Non, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a que ça. Il n'y a que, ou bien je pense à ce bas monde, le matin au soir, ou bien je pense à l'au-delà. Ou bien, il y a Je pense un peu à ce bas monde, mais je pense beaucoup à l'au-delà. Non, il y a ceci. Et il y a le contraire. Je pense beaucoup au bas monde, à l'au-delà, et je pense un peu à ce bas monde. Al-Muhim, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Man kanatil akhiratu hammah. Il a commencé par le premier groupe. Il a dit, celui qui, ses soucis, c'est l'au-delà. Celui qui, ses soucis sont l'au-delà. Comment est quelqu'un qui ses soucis c'est l'au-delà? C'est quelqu'un qui du matin au soir, yani, il pense toujours que, yani, demain il va mourir. Il pense toujours que, yani, il dit toujours ma foi est faible. Il dit toujours moi j'ai pas beaucoup appris. Il dit toujours Allah je suis endetté. Endetté yani, par rapport à Allah. Je sais que, yani, je manque beaucoup de choses. Donc, quand quelqu'un pense comme cela, il est en train de Yani, ça va le pousser à faire des bonnes actions. Il dit, là, je sais que si je meurs, yani, mon cas, j'ai peur que ça soit vraiment grave. Yani, quand il se compare au salaf salah, etc. Il dit, yani, il voudrait, yani, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé à ses pieux. Il pense, yani, au paradis, il pense, yani, el-muhim, ses soucis, c'est quoi? Ses soucis, c'est l'au-delà. Faire les prières à l'heure. Ne pas faire le haram, faire la nafila. Celui-là, ses soucis, c'est l'au-delà. Maintenant, si c'est cette personne, ses soucis, c'est l'au-delà. C'est quoi le résultat? Il a dit, Man kanatil akhiratu hammah, quiconque, ses soucis, c'est l'au-delà, ja'alallahu ridah fi qalbih. Première récompense. Allah subhanahu wa ta'ala lui mettra sa richesse dans son cœur. Naam, dans son cœur. La richesse, c'est pas dans la banque. La richesse, c'est dans son cœur. Combien de gens ont des milliards dans la banque et sont très pauvres dans le cœur? Naam, ils se voient le plus pauvre. Et ça, ils se sentent très pauvres. Et c'est lui le plus riche du monde. Et combien de gens n'ont rien à la banque, ils se sentent le plus riche. Jamais il ne dit à quelqu'un, donne-moi un sou. Tellement Allah Azza wa Jalla lui a mis sa richesse dans son cœur. Naam, la plus grande richesse c'est quoi? C'est que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi. Et que yani, tu attends le jour où tu vas le rencontrer. Non, c'est ça la plus grande richesse. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce Coran, il a dit au prophète alayhi sallam, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ Yani, c'est de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala et de son fadl, ses biens, etc., que vous devez avoir, yani, devez être content. Pour le fadli ou le rahmati, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَجْمَعُونَ Quand quelqu'un, elle doit être pardon, doit être content, il doit être content de l'iman, d'avoir fait la salat à l'heure, d'avoir jeûné, d'avoir, aujourd'hui, n'avoir pas fait le haram. C'est de ça qu'on doit être content. C'est pas seulement de l'argent. Non, c'est pas seulement de l'argent. Comme ça, il a dit dans le Coran. Il a dit, c'est de ça qu'il faut être content. Car demain, tu vas rencontrer Allah, ravi de toi. Demain, inchallah, c'est le paradis qui t'attend. Demain, il n'y a pas l'enfer. Demain, tu vas voir le prophète, alayhi sallam. Tu vas voir Omar ibn Khattab, Abu Bakr et, alhamdoulilah, sahaba, radiyallahu ta'ala. Voilà la vraie vie. Voilà la vraie vie. Voilà le vrai plaisir. Voilà le vrai plaisir. Donc, quand quelqu'un, ses soucis, ses rodés-là, la première récompense, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre quoi? Va lui mettre sa richesse dans son cœur. Vous voyez des gens qui n'ont rien. Jamais, ils ne montrent qu'ils ont besoin de quelque chose. Masha'Allah. Pourquoi? Parce que Allah ta'ala a descendu la richesse dans son cœur. Allah ta'ala lui a élargi sa poitrine. Ils se sentent, Masha'Allah, ils se sentent riches et ils n'ont besoin de personne. Ce qui lui plaît, c'est tout. C'est de ne pas rater une prière. Ne pas rater la prière à l'heure, c'est tout. À ce que je pense, voilà. Et ne pas faire le haram. Voilà. Hada, masha'Allah. Vous trouvez des gens, ils ont une paye, ils travaillent, et il est toujours avide. Il est avide. Il a toujours de l'argent. Il est toujours. On lui donne, comme a dit le prophète, tu lui donnes une rivière en or, il te demande la deuxième. Il dit, pourquoi tu m'ajoutes pas la deuxième? Et quand quelqu'un est comme ça, a'udhu billah, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié dans cette vie avant l'au-delà. Naam. Quand quelqu'un, du matin au soir, il ne pense qu'à l'argent, du matin au soir, et il court comme un chien, du matin au soir, ça veut dire que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié. Naam. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler ou là. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire de ceux qui, à cause de cette vie, à cause de cette dunya, à cause de l'argent, ils ne font pas la prière à l'heure, ils font le haram, etc. Naam, il y en a beaucoup mal à ça. Donc la première récompense, pour celui qui, ses soucis, c'est l'au-delà, première récompense, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala descend ta richesse, la richesse dans ton cœur. Deuxième récompense, wa jama'a lahu shamlah. Deuxième récompense, il te groupe, shamlak, c'est toute ta famille. Naam, regardez quand quelqu'un est pieux, les enfants sont pieux, et le père et les enfants vivent ensemble. Regardez, après l'Aïcha, ils sont tous dans la maison. Ils sont, Masha'Allah, assis en train de parler. Allah a dit, son prophète a dit, Ibn Kathir a dit, Masha'Allah. Mais quand les soucis, c'est la dunya, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ne voient pas leur père un mois. Regardez, ils courent par là. L'autre, il est en train de bâtir l'usine. L'autre, il est en train, je ne sais pas, dans quel pays, en train de courir. Allah subhanahu wa ta'ala disperse quoi? Disperse, sa famille et sa progéniture. Naam. Il a dit donc, la deuxième récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, il te joint. Tu joins toute ta famille, masha'Allah. Et troisième récompense, et c'est l'une des meilleures khales, wa atatuhu dunya wa hiya raghima. Wa atatuhu dunya wa hiya raghima. Subhanallah al-Azim. Il a dit, et ce bas monde lui viendra, presque prosterné, de force. Ce bas monde ne veut pas lui venir, parce que Allah le fera venir comme ça, prosterné, incliné. Il le fera venir. Donc, subhanallah, donc vous remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala fera venir le bas monde là, incliné devant qui? Subhanallah, devant la personne qui, ses soucis, c'est l'au-delà, c'est pas cette dunya. Subhanallah, vous remarquez que c'est le contraire, tout à fait le contraire. Si tu veux la dunya, fais de tes soucis l'au-delà. Naam, fais de tes soucis l'au-delà, la dunya viendra incline. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit dans le Coran, il a dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Dis à ta famille de faire la prière, et endure, fais-la avec endurance. C'est ce qu'il a dit derrière ce verset, c'est ce qu'il a dit. On ne te demande pas les biens. C'est-à-dire, ne nous donne pas comme excuse que tu n'as pas le temps de parler de prière, etc., de s'occuper du dîn à cause du travail, etc., à cause du bien. Allah Ta'ala dit, c'est nous qui te donnons les biens. Toi, occupe-toi de la ibadah. Et c'est nous qui te donnons les biens, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Hada, c'est qui? c'est la première sorte, c'est la personne qui a ses soucis dans l'au-delà, qui ne pense qu'à l'au-delà, comment appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les trois grandes récompenses qu'il a. Je les répète, il a dit جعل الله غناه في قلبه, il lui fait la richesse dans son cœur, جمع الله شمله, il lui groupe sa famille, وأتته الدنيا وهي راغمة, et la vie, la dunya, la dunya du chien, elle viendra comment? Elle viendra yani inclinée, elle viendra inclinée. Ensuite la deuxième sorte, ومن كان همه ومن كانت الدنيا همه, et maintenant il a dit le prophète alayhi salam, celui qui ses soucis c'est le bas monde, c'est tout, hein? Comme la plupart des gens, les soucis c'est quoi? C'est le bas monde, du matin au soir, comment amasser de l'argent au maximum, quitte à ne pas faire la prière. Aujourd'hui je la fais pas, je suis occupé, je dois aller à la banque, je dois courir, je dois aller, demain je fais la prière, ben, s'il fait, hein? Alors celui-là c'est quoi les uqubat? C'est sûr que Allah Ta'ala va lui donner des par le châtier. C'est quoi? Il a dit premièrement, جعل الله فقره بين عينيه, الله أكبر, premier grand châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala lui met, deuxième premier châtiment pour quelqu'un qui ses soucis c'est le bas monde, Allah azza wa jal va lui mettre la pauvreté entre ses yeux, الله أكبر. Naam, tu veux la vie seulement, tu veux le bas monde, tu penses pas à l'au-delà, tu cours seulement du matin au soir derrière l'argent. Non, je vais te montrer. Alors, il va lui faire la pauvreté, il va la mettre entre ses yeux. C'est-à-dire que si tu lui donnes tout l'argent du monde, il se sent pauvre. Regardez, barakallahu fikoum, regardez les gens ceux qui demandent, les mendiants, qui demandent les gens, donnez-moi de l'argent, donnez-moi, j'ai pas, donnez-moi, et certains, ils te prennent par les vêtements. Non, tu prends pas un vêtement, il veut te déchirer ton vêtement si tu lui donnes pas. Donne-moi, j'ai pas, donne-moi, il commence à pleurer, donne-moi, j'ai pas. Alors que 95% sont des menteurs. 95% qui font cela sont des menteurs. Car Allah Ta'ala a dit, لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف. يعرفون بسيماهم. لا يسألون الناس إلحافا. Allah Ta'ala a dit, ceux qui n'ont pas vraiment de l'argent, il a dit, لا يسألون الناس إلحافا. Il ne demande jamais comme ça aux gens, yani, il commence à insister. Jamais. Il a dit, يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف. Il a dit, celui qui ne connaît pas, croit que ce sont des gens riches. Pourquoi? من التعفف. Tellement ils sont, yani, chastes, ils ne demandent pas aux gens. Non. Des gens qui, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de quoi manger, ils ne se disent pas. Ils ne se disent pas, donne-moi, jamais. Masha Allah, c'est iman. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu la richesse dans son cœur. Et l'autre, il travaille, il a beaucoup d'argent et il se voit toujours pauvre. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a descendu la pauvreté entre ses yeux. Maintenant, surtout dans notre époque, les ruses qu'il y a pour extraire et extirper de l'argent des gens, oh, masha'Allah, yani, on pourrait les faire rentrer dans un concours avec Guinness, rentrer dans Guinness avec tellement les ruses. Les ruses, yani, tu peux pas t'imaginer. Je donne un exemple très simple. Ici, pas loin chez moi, l'hôpital. Ça doit se passer chez vous, c'est sûr aussi. Dans l'hôpital, tu trouves la femme et son époux, yani, ils se divisent. Il lui dit, toi tu prends le côté par exemple gauche, moi je suis au côté droit. Toi tu es avec les femmes, moi je suis avec les hommes. Qu'est-ce qu'il a? Il prend dans sa main, ça se met avec la radio. Là, une radio, il te dit voilà, il s'assoit à côté de moi, voilà, et j'ai fait la radio, j'ai pas terminé, il me manque la deuxième, tu peux me donner 2 dinars. Parce que c'est 2 dinars la radio, si tu peux me donner 2 dinars. 1 dinar kouétien, c'est 3 dollars. Un dinar kouétien, c'est 3 dollars et 1/4. Ça veut dire, il te dit, donne-moi 7 dollars pour faire la radio. Subhanallah. Jamais il te passe par la tête que c'est un menteur. Celui-là est là-haut. Et sa femme est de l'autre côté avec les femmes, est en train de dire la même chose. Ensuite, lui, il fait ça du matin au soir avec 50-60 bonhommes. Et sa femme de l'autre côté, elle fait avec 50-60 femmes. Surtout ici, les Kouétiens, mashallah, yani, dans l'argent comme ça facilement. Imaginez, donc il a fait comme ça aujourd'hui dans cet hôpital. Demain, ils vont changer d'hôpital, le deuxième. Ensuite, troisième. Et je suis sûr même qui travaille avec, il y a un agenda et un emploi du temps. Bon, alors demain, ma chère femme, qu'est-ce qu'on a? Demain, on a l'hôpital du 6e arrondissement. Et mercredi, inshallah, on a le 7e. Et on a le 8e, comme ça, avec l'emploi du temps. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais ceux-là, est-ce que ils profitent de leur argent? Jamais. Jamais. Iqaban, iqaban, jaza'an, wifaqan. Allah Ta'ala les fera mourir sans profit de l'argent. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eux, yani des gens m'ont raconté que lorsqu'ils sont morts, ce genre de personnes, ils sont rentrés dans le appartement, ils ont trouvé des caisses, des sachets pleins d'argent. Naam. Alors qu'ils ne mangeaient pas bien, ils s'habillaient avec des choses déchirées, des lambeaux, et ils étaient sales. Naam. Ils ont vécu le petit Jahannam ici, alors qu'ils avaient des milliards. Naam. Allah Ta'ala ne les a pas fait profiter, parce que ce n'est pas leur argent. Et Yom Al-Qiyama, c'est très grave. Yom Al-Qiyama, c'est très grave, comme dans le hadith sahih. Il a dit qu'ils viendront le jour du jugement dernier, et ils n'auront même pas la chair, hadith, sur le visage. Nous, on a la chair sur le visage, hein, le front, les yeux, tu touches. Eux, ils n'ont rien. Yani, tellement ils ont mangé yani, l'argent des gens. La hawla wa la quwwata illa billah. Je disais que maintenant il y a des ruses, il y a des milliers de ruses. Chez nous ici au Koweït, c'est interdit que quelqu'un, par exemple dans la rue ou là, yani, tende la main. C'est interdit. Des fois, de temps en temps, quelqu'un se lève dans la mosquée. Très très connu. Assalamu alaikum, ma mère va faire une opération très bientôt. Barakallahu fikoum. Elle a ceci, cela, les intestins, je sais pas quoi. Aidez-moi juste pour faire l'opération. J'ai pas pour lui payer l'opération à l'hôpital. Naam. Menteur. Ils viennent d'un autre pays. Je veux pas citer le pays. Ils viennent comme ça tous les 3 et 4 mois. Ils font une tournée dans les mosquées. Ils prennent avec eux des milliers de dollars et ils partent. Naam. C'est pour ça que quiconque l'État le trouve ici en train de faire cela, il va directement en prison. Tellement ils savent qu'il y a des gens, c'est ça leur travail. Il a un emploi du temps, je vais au Koweït tous les 3 mois. Hein, pour demander de tourner dans les mosquées, les gens dans les mosquées, ils donnent. Ils voient quelqu'un en train de... Il y en a qui pleurent. Ils pleurent avec le mouchoir. Hein, avec le mouchoir. Et des gens, ils disent, miskin, là, celui-là. Et ils lui donnent de l'argent. Et ils disent, voilà, ma mère doit subir une opération. Ça, c'est très vieux maintenant. Des ruses. Je me souviens très bien. Une fois, je descendais de l'immeuble. C'était à Alger. Je rencontre quelqu'un en bas, habillé avec un costume et une cravate. Si je n'ai pas oublié, parce que ça fait au moins 30 ans. Si j'ai pas oublié, il avait même une gourmette en or, si j'ai pas oublié, dans sa main gauche. Il me dit, salam alaikum, salam wa rahmatullah. Ya akhi, inna Allah la yastahi min al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité. Tfaddal. Pour les choses, ma femme vient d'accoucher, ça fait seulement une demi-heure. Elle n'a même pas les couches du bébé. Les couches. Ce n'est pas la peine de parler yani, qu'il faut manger, etc. Besoin de vitamines. Mais les couches du bébé, elle n'a pas. Quand tu vois toi quelqu'un avec un costume et une cravate et de l'or dans sa main, est-ce que ça te vient dans la tête que c'est une ruse? Subhanallah, tu dis, tout le monde peut tomber dans un cas comme lui. Non, tout le monde peut être richard et tu te trouves dans une ville où là où tu n'as pas l'argent sur toi. Tu as des milliards dans la banque, mais sur toi tu n'as pas. Tu es obligé de demander à quelqu'un de te prêter pour je ne sais pas quoi, pour monter dans le bus. Ensuite, celui-là, je ne sais pas, en allant à la mosquée, je l'ai rencontré sans qu'il me voie en train de faire la même chose avec les gens. Et il parle à celui-là, ensuite il va à celui-là. Mouhim. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyya. Ishbrauch wissen. Masha'Allah. Naam. Sie können, Inch'Allah, hier. Allah ta'ala. Je disais que, maintenant, c'est l'iqab, c'est le deuxième. Je venais de dire, je crois que j'ai parlé du premier iqab, c'est tout. J'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait sa pauvreté devant les yeux. Ensuite, wa faraqa alayhi shimla. Et, il lui disperse sa famille. Deuxième châtiment. Troisième châtiment, وَلَمْ يَأْتِهِ مِنِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Et ne lui viendra de ce monde que quoi? Que ce qu'Allah Ta'ala a écrit. Naam. C'est pas la peine qu'il se fatigue. Il se fatigue comme un chien. Il n'aura que ce que j'ai écrit, dit Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pas la peine. Il n'aura que ce que j'ai écrit. Naam. C'est le troisième châtiment. Taïb. Maintenant, on va à notre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه فيما يكره الله. حديث صحيح. حديث ما شاء الله في الحديث. و le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que الله سبحانه وتعالى est avec celui qui est endetté. Quand quelqu'un est endetté, Allah سبحانه وتعالى est avec lui. نعم. ما لم يكن دينه فيما يكره. À condition que ses dettes ne soient pas quelque chose de haram. Il ne s'est pas endetté à cause du haram. Il s'est endetté pour manger ou là pour s'habiller ou là. Ce n'est pas, il s'est endetté à cause de quelque chose de haram. Il a fait de la drogue ou là, il s'est endetté. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit que quiconque, regardez ce hadith, masha'Allah, il a dit quiconque s'endette avec l'intention de payer ses dettes, Allah subhanahu wa ta'ala les lui payera ici dans ce bas monde avant de mourir. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Quiconque s'endette, Allah ta'ala sait dans son cœur est-ce qu'il veut rendre plus tard ou il ne veut pas rendre. Allah ta'ala sait. Quiconque s'endette avec l'intention de rendre l'argent, Allah azza wa jalla va l'aider pour qu'il rende ses dettes ici avant de mourir. Et un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sahih, qui dit que quiconque s'endette et meurt, c'est moi, Yawm al-Qiyama, qui m'en occuperai. Masha'Allah. Chaque croyant qui fait des dettes, qui ne peut pas payer, il meurt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est moi le jour du jugement dernier qui quoi? Qui, yani, disons, payerai à sa place. Ou là, qui le défendrait. Naam. Alors, c'est yani, fadlallah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aime, yani, au point que Yawm al-Qiyama, c'est lui qui va parler à ta place à cause de les dettes qu'on n'a pas payées. Vous savez que quand quelqu'un nous paye des dettes, c'est pas obligé qu'il soit notre famille. Par exemple, moi j'ai des dettes et je meurs. C'est pas obligé que ça soit, par exemple, mon fils qui paye des dettes. D'ailleurs, mon fils n'est pas obligé de payer mes dettes. Il n'est pas obligé. Naam. S'il le fait, si tu veux payer les dettes de tes pères, pardon, de tes pères, de ton père. Si tu veux payer les dettes de ton père, ou de ta mère, tu le fais par ihsan, parce que tu veux ravir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Et tu n'es pas obligé. Toi, tu es obligé de payer tes dettes à toi, pas les dettes de ton père, non, ni de ta mère. Mais si quelqu'un aime ses parents, il voudrait les payer, c'est sûr. Il aime ses parents, il dit comme mon père est mort, il a laissé de l'argent. Il voudrait les payer. Mais des fois, les parents font beaucoup de dettes et on n'a pas assez d'argent. On ne peut pas payer à leur place et rester comme ça et à ne rien avoir. Non, c'est pour ça que, alhamdoulilah, ce n'est pas obligé que quelqu'un paye les dettes de son père. Je disais, mais si quelqu'un nous paye à notre place, masha'Allah, quelqu'un que je ne connais pas, ou là que je connais de loin, ou là, il me dit, je vais payer à ta place. Masha'Allah. On l'a fait une fois, quelqu'un, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih. Non. Hadith akhar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise inshallah le genre de dette. Naam. Je parle toujours des dettes qui sont halal, hein. Je parle pas des dettes qui sont haram. Je parle des dettes qui sont halal. Naam. Cela, yani comme je viens de dire, que Allah subhanahu wa ta'ala aide. Si c'est barakallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. صحيح. 1839. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient pour les personnes ou sur les personnes qui font la salat dans le premier rang. Naam. Faire la salat en mosquée dans le premier rang, ce n'est pas comme celui qui l'a fait au milieu et ce n'est pas comme celui qui l'a fait au fond. le dernier qui arrive. C'est pour ça que celui qui fait la salat dans le premier rang, il a beaucoup plus de hasanat que celui qui l'a fait dans le dernier rang. Et s'il n'y avait pas de hasanat, s'il n'y avait pas, ça te suffirait que le fait que tu sois dans le premier rang, Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur toi. Ça te suffit, khlas. Il n'y a pas besoin de hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala prie sur moi et ses anges, masha'Allah, masha'Allah. La prière des anges sur les croyants, c'est quoi? C'est de faire des du'as. Naam, Allahumma khfirlahu, Allahumma arhamhu. Ce sont des du'as pour que subhanahu wa ta'ala, yani, te pardonne et t'annule tes péchés. Ça c'est déjà masha'Allah. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses croyants, les croyants c'est quoi? C'est de te citer devant les anges au ciel. Avec, yani, on te cite, yani, en te faisant des éloges. Naam, en disant Foulan, masha'Allah, il est ceci, cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en personne qui parle de toi. Il dit, cette personne est ceci, cela. Masha'Allah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as seulement fait la prière dans le premier rang. Dans le hadith, il a dit As-sufuf al-muqaddama. Il a employé le pluriel. Il a dit sufuf. Donc ça peut être ça peut être aussi le deuxième et peut-être aussi le troisième. Naam. Mais surtout le premier rang. C'est pour ça que je voulais vous dire que celui qui va à la mosquée, yani de tôt, c'est pas comme celui qui va tard. Comme la Jumu'ah. La Jumu'ah, vous savez, celui qui rentre là avec les premiers, là, comme s'il avait fait l'aumône d'un chameau, ensuite une vache, ensuite on commence à descendre. Ensuite un mouton, ensuite une poule, ensuite un œuf. Ensuite les anges, quand l'imam monte sur le mimbar, les anges ferment leurs livres. Classe, il n'y a plus. Et ils commencent à écouter la khutba. Ça pour vendredi. Les autres salats, c'est la même chose. Plus on va tôt, plus on a ajr. Plus on est dans le premier rang, plus notre salat est mieux que celui qui est dans le deuxième, troisième, quatrième, et comme ça. Sauf pour les femmes, bien sûr. Sauf pour les femmes qui doivent être toujours derrière les hommes pour la salat. C'est pour ça qu'il y a un hadith. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, un hadith sahih. Moi, j'ai pas encore essayé d'appliquer le hadith. J'ai pas encore essayé d'appliquer. Je ne peux pas le faire parce que moi-même, je suis imam. Mais Inch'Allah Ta'ala, je le ferai Inch'Allah Ta'ala quand j'irai en Algérie, si je peux. Que dit ce hadith? Il a dit quiconque des musulmans peut arriver avec l'imam quand il dit Allahu Akbar, ça veut dire quiconque peut, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, tu te trouves derrière lui. Il a dit s'il peut faire cette chose 40 jours, ça veut dire 40 fois 5 prières. Sobh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. C'est un jour. 40 jours comme ça, d'affilée, si tu rates une seule prière et tu rentres à la mosquée, tu trouves l'imam, khlas, il a dit par exemple Allahu Akbar, il s'est incliné, tu n'es pas rentré dans le hadith, khlas, tu es sorti. Naam. Donc si tu peux le faire 40 jours consécutifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est yuktab laka. On va t'écrire bara'atayn. Deux désengagements. Deux attestations. Une attestation que tu n'es pas munafiq, tu n'es pas un hypocrite. Et deuxième attestation, que tu ne rentreras pas en enfer. Masha'Allah. Regardez ce hadith. Celui qui peut faire, ce n'est pas yani, très très facile. Hein. Des fois on peut jusqu'à 30 jours, 35 jours, ensuite, il y a une salat, on ne s'est pas réveillé par exemple. Il faut recommencer à zéro. 40 jours consécutifs. Quiconque peut le faire, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrira deux attestations. La première, qui n'est pas hypocrite. Des fois on a des doutes, on va se dire, pour la preuve, je suis hypocrite. Si tu fais ça, là, tu n'es pas hypocrite. Et la deuxième, ah, masha'Allah, tu ne vas pas aller en enfer. Quelle est la preuve que moi, toi et X, qu'on ne va pas aller en enfer? Vous allez me dire, on est croyant. Ça veut dire seulement que tu ne resteras pas éternellement en enfer et que tu rentreras au paradis. C'est tout ce que ça veut dire croyant. Mais ça ne veut pas dire que peut-être tu ne commences pas par l'enfer. Ça ne veut pas dire ça. Mais maintenant, ce hadith t'a dit, tu ne vas pas aller en enfer, yani directement au paradis. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, inna Allah ta'ala la yadhlimu al-mu'mina hasana yu'ta 'alayhi fi ad-dunya wa yuthabu 'alayhi fi al-akhirah wa amma al-kafiru fayut'amu bi hasanatihi fi ad-dunya hatta idha afda ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khayran. Naam, ce hadith est très, yani, mashallah, très, yani, fait peur, wallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce hadith, il a dit, inna Allah ta'ala la yadhlimu al-mu'mina hasana. Allah subhanahu wa ta'ala jamais, yani, ne fait du tort, ou là, ne prend une hasana à un mu'min. Jamais. Comme Allah ta'ala, c'est lui qui te donne les récompenses. Comment se fait-il qu'il te prenne une récompense? C'est impossible. Naam. Tout le monde peut me prendre, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne me prend pas. Donc, c'est comme ça le début du hadith. Ensuite, il a dit, yu'ata 'alayha fi ad-dunya wa yuthabu 'alayha fi al-akhirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une bonne action ici, un croyant, il parle du croyant, quiconque qui est croyant et fait une bonne action ici, par exemple il jeûne, par exemple il donne de l'argent, par exemple il fait une nafila, qu'est-ce que Allah ta'ala va lui donner? Premièrement, il a dit, ici, Allah ta'ala va te donner, et dans l'au-delà, il va te donner, il te donne deux choses. Il te donne ici, il te donne dans l'au-delà. Dans l'au-delà, on sait ce que c'est. Inch'Allah Ta'ala, c'est le paradis, c'est tout ce que vous savez. Mais dans ce bas monde, qu'est-ce qu'il va te donner, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Il va te donner plusieurs fois, on allait avoir des problèmes et on ne savait pas. Et puisque tu as fait une chose, tu as fait une bonne action, Allah Ta'ala a éloigné de toi ce qu'on appelle une mosba et un malheur. Naam. Toi, tu ne sais pas que tu pouvais, par exemple, aujourd'hui faire un accident de voiture. Tu pouvais faire. Mais hier, tu avais fait Qiyamli, tu avais fait la prière de la nuit. Aujourd'hui, tu ne vas pas faire cet accident. Allah subhanahu wa ta'ala t'a récompensé par ce que tu as fait hier. Naam. Mais nous, qui n'avons pas beaucoup de piété, qui ne connaissons pas bien l'islam, on ne pense pas à des choses pareilles. Ça nous paraît normal qu'on n'a pas fait d'accident aujourd'hui. C'est très normal. Non, ce n'est pas normal. Il est possible que tu fasses. Pourquoi ton voisin a fait un accident? Pourquoi toi tu n'as pas fait? C'est possible parce que hier, tu avais fait Qiyam Lid, ou bien tu as donné 1 euro, ou bien tu as jeûné le jeudi, ou bien ceci, ou bien cela. Non. Car le prophète a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais ici quelque chose, une bonne action, il te donne déjà ici. Non. Et des fois, il t'enlève des malheurs, il dissipe de toi des malheurs, des chagrins, et des fois, il te donne, par exemple, de l'argent, il te donne encore plus. Même, il te donne encore plus de l'argent. Il peut te donner des enfants, il peut te donner, enfin, il te donne quelque chose qui, bi'idna azza wa jal, te ravit. Quant au kafir, maintenant le kafir, quand il fait des choses de bien, le kafir, il peut faire des choses de bien, bien sûr. Que lui donne Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa amma al-kafiru fayut'amu bihasanatihi. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner ici dans cette vie. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va lui donner surtout yani, les biens et surtout les choses à manger. Yotam, naam, surtout les choses à manger. Vous n'avez pas remarqué comment le kafir insiste beaucoup et aime beaucoup le manger? Vous n'avez pas remarqué? Le kafir pour manger la langouste ou les crevettes, il va faire 100 km. Il va dire à un restaurant à 100 km, il va aller manger là-bas aujourd'hui. C'est pas la paille là où il te révèle, je ne sais pas. Non, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le kafir mangeait dans cet intestin. Hadith sahih. Cheikh Albani a dit hadith sahih authentique. Le croyant mange avec un seul intestin. Le kafir mange avec 7 intestins. Ça veut dire si tu ouvres son ventre, pas dans son ventre, tu ne vas trouver qu'un seul intestin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert cet intestin de façon à ce qu'il veut toujours manger. Il est avide de manger, avide de manger. Hatta Allah ta'ala, quand il les a cités dans le Coran, il a dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ يَأْكُلُونَ ils mangent, يَأْكُلُونَ كَمَ تَأْكُلُوا الْأَنْعَامِ ils mangent comme mangent les bestiaux. Non, le kafir, tu le vois là, en train de manger avec le vin, en train de se remplir le ventre, il vit seulement pour ces choses. Alors que le croyant, qui juste mangeait quelque chose juste pour là, yani pour pouvoir adorer Allah plus, pour être fort, pour faire la prière. Non, moi je mange pas parce que yani, j'aime le bas monde. Je mange yani, comme adoration. Je mange pour être fort, pour pouvoir adorer Allah, pour pouvoir faire la prière, pour pouvoir faire qiyam al-lil. Parce que quelqu'un qui est faible ne peut pas faire qiyam al-lil, etc. Donc le kafir, dans cette ville, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne à manger, le remplit. Et il a dit, hatta ida afda ila al-akhirah, jusqu'à ce que, quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? Lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khayran. Il n'aura même pas une seule récompense yawm al-qiyamah. Rien. Il n'aura rien. Il viendra avec rien yawm al-qiyamah. Pourquoi? Parce qu'il l'a eu ce qu'il voulait ici, dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce qu'il voulait dans cette vie. Il l'a rempli de biens, il l'a rempli d'enfants, etc. Khlas, il a eu ce qu'il voulait. C'est pour ça que il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si je me rappelle ce verset, وَيَوْمَ يُحْشَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ دُنْيَا وَسْتَمْتَحْتُمْ بِهَا. C'est comme ça qu'a dit Allah, il a dit, et le jour où les kuffars viendront, ils seront en face de l'enfer, je leur montrerai l'enfer avant qu'ils ne rentrent. Il leur dira Allah subhanahu wa ta'ala, أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ, il y a mis des choses bien, etc. Vous les avez eues dans votre vie. Ça, tu as eu ce qu'il fallait dans la vie. Le mu'min, il était privé de plusieurs choses. Le mu'min, il lui manquait beaucoup d'argent. Il lui manquait beaucoup de choses qu'il n'a pas pu avoir. Le kafir avait tout. Allah ta'ala lui a dit, toi, tu as profité, tu as tout eu dans le bas monde. Maintenant, inshallah ta'ala, c'est le tour du croyant. Toi, tu as tout eu, je ne t'ai privé de rien. Maintenant, c'est au tour du croyant de lui donner ce qu'il veut et ce que je lui ai promis. Bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Le dernier hadith, inshallah, avec lequel je vais arrêter. Ça y est. Ici, ce hadith, je l'ai coché, je le cherche. Naam. Une seconde, bi'idhnillah azza wa jal. Ça y est. Allez, je vais lire un hadith. Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil-akhirah. Comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala déteste kulla 'alimin bid-dunya. Chaque savant de pardon, avant d'oublier, maintenant je parle de savant. Quand je parlais du kuffar, certains gens te disent subhanallah, ils te disent le kafir là. Le kafir, il a aidé l'humanité, il a fait ceci, il a fait du bien, etc. Il a découvert des médicaments, il a. On lui dit, certes, on n'a pas dit le contraire, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a-t-il pas donné ici ce qu'il voulait? Yani, tu voudrais le faire entrer au paradis, toi? Tu veux faire entrer un kafir au paradis? Lazo lui a demandé de croire en lui, de rentrer dans sa religion, il n'a pas voulu. Donc, Lazo a été juste avec ce kafir, il lui a tout donné ici. Naam, il a été juste avec lui. Certains gens croient, yani, ils te disent, le kafir, Lazo Jul, puisqu'il a fait de bonnes choses, il va lui donner l'akhirah. Non, il ne lui donne rien, il lui donne ici, c'est tout. Naam. Je dis, c'est que le prophète Sassam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala détesté chaque savant de ce bas monde, jahil al-akhira, ignorant de l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire, ce savant de ce bas? Ça veut dire qu'il y a certains gens qui, dans ce bas monde, sont yani, des cerveaux, des cerveaux en ce qui concerne ce bas monde. Ils savent toutes les ruses, tous les moyens, comment faire rentrer beaucoup d'argent. Tous les moyens comment s'enrichir, tous les moyens, mais ne savent rien de l'au-delà. Tu lui es certains musulmans, tu lui demandes, tu lui dis, masha'Allah, tu es riche, masha'Allah, du matin au soir, tu cours derrière l'argent, masha'Allah. Donne-moi seulement un hadith, il ne peut pas. Il ne sait pas, il ne connaît pas un seul hadith. S'il te dit, il te dit un verset comme ça, yani, tout faux, il te dit ça, c'est un hadith. Non. Allah, ça existe, Allah Musta'an. Pourquoi? Parce que c'est un savant dans le bas monde. C'est un spécialiste, il connaît tout comment qu'on fait pour être riche, etc. Et ramasser de l'argent. Mais il ne connaît rien de l'au-delà. Le hadith a dit, Allah subhanahu wa ta'ala déteste, yubrid, déteste ce genre de personnes. Naam. Ensuite, un autre hadith. Je vais chercher un hadith. Pourquoi il n'est pas là? Allahumma shafa'at. Naam, voilà le hadith dernier, inshallah, avec lequel on termine. Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن الله تعالى يقول يوم القيامة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith 1915 que Allah تعالى dira le jour du jugement dernier. Qu'est-ce qu'il dira? أين المتحابون لجلالي. أين المتحابون لجلالي. Où sont ceux qui se sont aimés en ma cause? يعني لجلالي. En, يعني, je ne sais pas comment on dit لجلال, mais يعني, je donne à peu près le sens. Ça veut dire en ma cause. Aujourd'hui, je vais les mettre dans mon ombre. Aujourd'hui, alors qu'il n'y a d'ombre que mon ombre. Le jour du mois dernier, il n'y a pas la résurrection, il ne va pas y avoir d'ombre. Ni un arbre pour se cacher, ni un immeuble, ni un parapluie, ni un chapeau, ni une casquette. Il n'y a rien. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala créera une ombre. L'azalul n'a pas d'ombre comme moi quand je marche sous le soleil, j'ai de l'ombre. C'est interdit de dire ça dans la Aqida, sinon ça veut dire que le soleil est au-dessus d'Allah, alors que Allah est au-dessus de ces créatures. Car l'ombre, pour qu'il y ait l'ombre, il faut qu'on ait le soleil au-dessus de nous. Et Allah Ta'ala n'a rien au-dessus de lui. Donc c'est quoi l'ombre ici? L'ombre c'est, ou bien, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, Allah Ta'ala va créer une ombre spéciale. Ou bien, comme a dit Cheikh Al-Albani, et c'est dont je suis le plus convaincu, c'est l'ombre du trône. Pourquoi? Car il y a un autre hadith où il est dit que ils seront sous l'ombre du trône. Donc, puis j'ai un hadith qui a dit que le trône a l'ombre, donc je marche Allah avec ce hadith. Et c'est qui vont être sous l'ombre à nous? C'est qui? L'ombre du trône? C'est, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux qui se sont aimés en Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Aimer quelqu'un en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une phrase qui se dit comme ça froidement. Je connais ici beaucoup de gens, moi, d'ailleurs c'est une mauvaise habitude. Je l'ai même dit à certains gens. La première fois, ils te voient, salam alaykoum salam, uhibbuka fillah. Tayyib, uhibbuka fillah, ce n'est pas quelque chose de simple, attention. Ce n'est pas quelque chose de simple. Uhibbuka fillah, ça veut dire que, yani, ce n'est pas, tu me dis cette phrase, et ensuite, moi par exemple, tu sais que je suis dans le pétrin et dans les méchèques, etc. Tu ne cherches ni à moi, ni tu penses à moi, ni tu m'aides, ni où est l'amour que tu m'aimes? Où est l'amour? C'est une phrase comme ça que tu dis, uhibbuka fillah. Si toi, tu m'aimes en Allah subhanahu wa ta'ala, laisse-moi donc rentrer ma main dans ta poche et prendre de l'argent sans que tu me dises non, sans que tu me dises combien tu as pris. On va voir si vraiment tu m'aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith sahih, vous connaissez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces personnes, Allah azza wa jalla les mettra sous son ombre le jour où il n'aura d'ombre que son ombre. Entre ces personnes, qu'est-ce qu'il a dit? Entre autres, il a dit deux personnes qui se sont aimés en Allah, ils se rencontraient en lui et se séparaient en lui. Ça veut dire que depuis qu'ils se rencontraient jusqu'à ce qu'ils se quittaient, ils ne parlaient que des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Non. Ou bien dans le ulama on dit, se rencontrer en lui, ça veut dire qu'ils se sont aimés à cause d'Allah, ils se sont séparés à cause que l'un d'eux a dévié le chemin. Non. Moi aussi je te dis je t'aime en Allah, et demain, je sais que tu ne fais plus la prière. Et je te dis, je t'aime en Allah. Ça veut dire que c'est faux, c'est pas vrai. Si je t'aimais en Allah, maintenant que tu ne fais plus la prière, je dois te détester en Allah. Bien sûr, je t'ai montré, je t'ai dit que c'est pas bien de quitter la salle, etc. C'est pas comme ça directement je déteste. Avec Chikma, je te montre là pourquoi tu ne fais plus la prière. tu sais t'attirer, j'essaie de comprendre tes problèmes, là, tu me dis non. La khlas, la salade, je l'aime pas, je la déteste. A'oudou billah, moi, j'aime autre chose. Là, si je te déteste en Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire même si je t'aime, ça veut dire que je peux avoir un péché. Ah, j'ai aimé quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. C'est pour ça que aimer Allah et détester aussi Allah, c'est vraiment, ça rentre dans l'iman. C'est pour ça que je vous donne un signe. Si il y a quelqu'un qui, par exemple, insulte Allah, quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui fait la zina à quelqu'un, et tu l'aimes, ça veut dire que ton iman, ta foi est faible. Non. Ta foi sera vraiment forte le jour où tu aimeras une personne en Allah et la détestera aussi en Allah. Non. Toi, je te déteste, c'est pas à cause de toi. Je t'appelle Mohamed X. Je te déteste à cause de l'alcool. Tu bois l'alcool. C'est haram. Je te déteste parce que tu fais pas la prière. Mais c'est pas toi, je te déteste parce que tu as les cheveux noirs ou là, je sais pas comment tu es habillé. C'est pas à cause de ça. Je te déteste en Allah. Tu fais le contraire de ce que Allah a dit. Bien sûr, après lui avoir, comme j'ai dit, lui avoir montré, etc. C'est pour ça que aimer Allah, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Ce n'est pas que n'importe qui va dire, moi, aime Allah. Ah, mais tu aimes Allah. Hein. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih. Il y a un hadith sahih où il est dit que quelqu'un est allé rendre visite à une autre personne dans un village ou là dans une ville. Une personne est allée dans une autre ville pour rendre visite à une autre personne. Ça y est. En marchant dans la, tout en faisant le voyage, en marchant ou là, ou bien à pied ou bien sur la route, ça, c'est pas important. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange. Il a envoyé un ange. Il l'a mis sur le chemin de cette personne. Alors, il lui a dit, salam alaikum, salam wa rahmatullah. Il lui a dit, Aina turid, où est-ce que tu veux aller, toi? Tu vas passer par là, où est-ce que tu veux aller? Tu as l'air, comme ça, disons, d'un voyageur, où est-ce que tu veux aller? Il lui a dit, j'ai un frère. Un frère, ça veut dire un frère en Allah. J'ai un frère en Allah dans cette ville, là-bas, où je vais arriver. L'ange lui a dit, l'autre ne sait pas que c'est un ange, hein? Un ange en tant que personne. L'autre lui a dit, l'ange lui a dit, ah bon, tu vas lui rendre visite parce que il t'a déjà fait quelque chose de bien, tu veux la lui rendre? C'est comme si, disons, il t'a prêté de l'argent, tu veux lui rendre? Il t'a rendu service, tu veux lui rendre? C'est pour ça que tu veux aller le visiter? Qu'a répondu l'autre? Il a dit non. Là, illa anni uhibbuhu fillah. Je vais lui rendre visite parce que je l'aime en Allah. Je l'aime en Allah. Que lui a dit l'ange? Qala fa inni rasulullah. Donc apprends que j'ai été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala spécialement pour toi, pour t'apprendre que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime comme tu as aimé cette personne. Allahu Akbar. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Toi qui n'es rien, toi qui ne vaux rien. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé. Pourquoi? Parce que tu es allé rendre visite à quelqu'un en Allah, parce que tu l'as aimé en Allah. Voilà ce que c'est aimer en Allah. Je pars, je marche, je fais des kilomètres dans le bus, je ne sais pas quoi, pour aller voir comment va mon frère. Et la sœur, elle va pour demander à sa sœur, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je suis venu demander tes nouvelles. Maintenant, si quelqu'un n'est pas riche, n'a pas la belle voiture, n'a pas ce qu'il faut, je ne veux pas faire sa connaissance. Non. Écoute. Tu sais celui qui est assis là-bas, hein, je ne le connais pas. Et celui-là, il est le conseiller du ministre. Oh, masha'Allah, le conseiller du ministre, il dit ça. Masha'Allah, fais-moi sa connaissance, fais-moi. Masha'Allah. Ah, voilà, maintenant il veut faire sa connaissance. Écoute, tu sais celui qui est là-bas? Non, qui c'est celui-là? Celui-là, miskin, il n'a ni argent, ni rien, il est en panne. Laisse-nous. Ah, Khalina, j'ai des problèmes. Ne pars pas de celui-là. Laisse-moi, Allah Ijazik, laisse-moi. Shift. Ah, shift, tu vas voir donc la différence. Pour le premier, tu veux faire sa connaissance. Ah, c'est pour ça que, vous remarquez que, subhanallah, ceux qui n'aiment pas Allah, invitent des gens, mashallah, qui sont riches, etc., ils lui font des cadeaux. Non, un riche invite un riche, il lui fait des cadeaux, mashallah, il n'invite pas le pauvre. Et si un pauvre vient ou là, il ne lui fait ni cadeau ni rien. Le cadeau, le beau cadeau, on le fait à quelqu'un qui est riche ou là qui est pauvre. C'est pour ça que si tu veux savoir si tu es aimant Allah ou tu n'aimes pas Allah, quand tu fais la connaissance de quelqu'un, ne commence pas par lui demander qui tu es, qu'est-ce que tu travailles et quel est ton salaire. Non. Si tu l'aimes Allah, ne lui demande pas ces choses. Car tout le monde voudrait connaître des gens de ce genre. Comme ça, demain, quand j'ai des problèmes, alhamdoulilah, j'ai fait la connaissance d'un médecin. Salam alaikum, tu es sauf? Là, tu es sauf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Non. On commence, Allah ta'ala, par les questions de la salle. On commence, Allah ta'ala, par les questions de la salle. Fabbas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans la première question, Inch'Allah? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez dit à propos du hadith sur la prière de la mosquée 40 jours de suite, est-ce que c'est valable si le fidèle est derrière l'imam au moment où il dit takbir? Est-ce que le fidèle doit être premier rang ou bien sur la compte le dernier rang aussi? Naam. Il n'est pas obligé d'être dans le premier rang. L'essentiel c'est quoi? C'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yudriku takbir ihram. L'essentiel c'est que Yudriku, il est là yani pour attraper Takbirat al-Ihram, quand l'imam dit Allahu Akbar. Non, mais il n'est pas obligé d'être dans le premier rang, bi-idnillah azza wa jal. Tayyib, une question maintenant en face à Abdullah ibn Hashmi. Une question, Inch'Allah. Soubassi, prépare-toi, Inch'Allah. Est-ce que les femmes peuvent appliquer le hadith des 40 jours de prière à la mosquée? Justement, je ne sais pas. Franchement, je ne crois pas. De toute façon, même si elles pouvaient, si elles voulaient, je ne crois pas qu'elles pourraient. C'est vraiment très difficile. Un homme, il ne pourra pas. Un homme, il peut difficilement. Mais je ne sais pas si ça s'applique. Il faut que, Inch'Allah ta'ala, je lise. Et c'est difficile, c'est vraiment difficile pour qu'elle puisse le faire. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tayyib. Soubassi, tfaddal. Assalamu alaikum, cheikh alaikum salam. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le dhan, suspicion? Et est-il permis de faire van sur une personne que l'on connaît pas, mais d'après, ils les ont dit, ils auraient des propos de créer, c'est-à-dire que l'on aime. Non. De toute façon, c'est une question qui n'a pas de relation avec le cours, mais malice puisqu'elle a été posée. On ne peut pas faire le van sur une personne qu'on ne connaît pas. Une personne qu'on ne connaît pas, on doit demander sur elle. On demande ceux qui sont faits, ceux qui remplissent les critères, yani de ceux qui peuvent attester. C'est pas n'importe qui peut yani attester. On demande sur cette personne, on entend cette personne qu'est-ce qu'elle dit, et on écoute ce qu'elle dit, pour savoir son minhaj par exemple. Ensuite, ce qu'elle dit, on le donne aux ulama. On leur dit, voilà ce que dit cette personne, qu'est-ce que vous en pensez? Naam. Mais parler comme ça, sans haine, comme font beaucoup de gens, yani, très vite, ils portent jugement sur quelqu'un, très vite. Alors que eux-mêmes, ils se trompent. Non, certains disent, par exemple, d'une personne, ils disent, par exemple, je donne un exemple, ils disent, cette personne, comme certains ont dit, Allah yahdihum, trois fois, comme certains tekfiriyin qui ont dit que Cheikh Al-Albani était un mourji. Non, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Allah yahmou, quiconque dit que Cheikh Al-Albani est mourdi, ou bien il ne sait pas c'est quoi l'irja, ou bien il ne connaît pas ce que c'est l'irja, ou bien il ne connaît pas Cheikh Al-Albani. Et moi j'ajouterai une troisième, ou bien il ne connaît pas l'Irja, ou bien il ne connaît pas Cheikh Al-Albani, ou bien il ne connaît pas les deux. Il ne connaît ni l'Irja ni Cheikh Al-Albani. Allah yarhamullah. Donc, yani, on n'a pas le droit de faire le don comme ça, on risque d'avoir des ismes et des péchés. Il faut bien être sûr pour après, yani, inshallah ta'ala, porter un jugement. Allah alam, j'ai répondu d'après ce que j'ai compris de la question. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Oum Abdullah, pose ta question, inshallah. J'ai pas lu la question. Quelle est la place qu'on doit donner à la dunya pour ceux qui sont dans le juste milieu pour avoir atteindre le zuhd aimé par Allah et éviter celui de certains soufis? Quelle est la place qu'on doit donner normalement à la dunya? Pour ceux qui sont dans le juste milieu pour pouvoir atteindre le zuhd aimé par Allah et éviter celui de certains soufis. J'ai pas bien compris la question, Elias. J'ai pas bien compris la question. Non. Quelle est la place qu'on doit donner à la dunya pour ceux qui sont dans le juste milieu? Non. J'ai pas bien compris la question. Je la saute bidnillah. Non. Tayyib. C'est quoi la prochaine question, Inch'Allah? Ibn Kathir, tfaddal. Abu Khalid, prépare-toi. Tayyib. Une seconde. Oum Abdullah, le point rouge, c'est pour ça qu'elle pose pas les questions des sœurs. Une seconde, Abu Yas, je viens de répondre à une de tes questions. On cherche Oum Abdullah où est-ce qu'elle est. Chercher comme ça, c'est une mouche qui arrive à perdre de temps et à chaque fois. Ibn Kathir, Ibn Tashmi, Ilyas Abu Anis. Ça y est, voilà comment va marcher. Ensuite, ne me dites pas, on n'a pas compris. On commence par Ibn Kathir, après Ibn Tashmi, derrière après Ibn Kathir. Ensuite, Ilyas, Oum Abdullah, ensuite la main levée. Ça y est, Inch'Allah Ta'ala, vous avez compris. Oum Abdullah, ça y est. Est-il prouvé par la sunna que le prophète A.S. a regroupé quelquefois des prières sans raison? Est-il permis de faire de même dans un cas exceptionnel? Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint entre deux salats, on ne va pas dire sans raison, mais pour une raison, laquelle? Pour montrer que c'était possible de joindre. Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith dans Silsila Sahiha, le premier tome. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint entre deux salats, ensuite il a dit: si jamais il y a quelqu'un de vous qui est comme je suis, yani dans le même cas dont je suis moi, il peut joindre entre les deux salats. Naam. Joindre entre les deux salats, on peut le faire soit quand on est yani dans son pays, soit quand on voyage, quand on a des causes. Des fois on a des causes, on ne peut plus, yani on est entre deux choses, ou bien ne pas faire la prière du tout, ou bien joindre. Donc des fois joindre, c'est mieux que de ne pas la faire du tout. Et ceux qui joignent comme ça, très souvent et fréquemment, ils font un ithm. Ils font un péché, une âme. Ça on joint, comme je viens de dire, comme ça quand on a des causes. Des fois on a des causes, et on est par exemple, je ne sais pas, on est dans un lycée ou là, je ne sais pas où, je n'ai pas comment faire l'asr. Et maintenant, si je sors, je vais arriver à la maison à 18h. À 18h, c'est par exemple, ce n'est plus l'asr. Comment je fais? Celui-là, il est obligé de joindre. Il est obligé de joindre les deux salats. Des fois, une femme sort, elle sait que elle n'a pas offert le asr. Elle ne va pas revenir, par exemple, jusqu'à telle heure. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle ne joint pas, elle va faire passer le asr. Elle va le sauter. Elle n'a pas où le faire. Elle va aller je ne sais pas où. Elle n'a pas où le faire. Elle n'est pas dans une maison, etc. Une personne comme ça joint quand c'est yani, elle est dans le besoin. Quand c'est dans le besoin. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ibn Kathir a dit. Donc après Ibn Kathir, c'est qui normalement? C'est la deuxième personne. Salam alaikum. Pour le hadith de celui qui va sans interruption prier pendant 40 jours, c'est une prière obligatoire. Allah l'inscrit comme n'étant pas hypocrite et lui promet le paradis. Qu'est-ce qui se passe si la personne, après quelques années, ne prie plus et meurt? Dans cet état, son action devient nulle. Je pourrais avoir quelques minutes de votre temps dans un salon privé, chef, barakallahu fik. Naam, cette personne, que Allah Azza wa Jalla va lui écrire qu'elle n'est pas hypocrite et elle rentrera en paradis, bien sûr, si elle termine dans l'état où elle est. C'est pas, elle va ne plus faire la prière, ou là, elle voit quoi? Ou là, elle va faire les grands péchés, l'alcool, etc. Là, il faut que elle reste bi'idna ta'ala et elle continue le chemin, masha'Allah, comme elle est maintenant, dans le niveau de la piété où elle est. Naam. Elle peut se tromper, bien sûr. Elle peut se tromper. Mais pas au point, par exemple, de délaisser la salat et mourir. Et mourir comme ça. Dans ce cas, yani, ce qu'elle, les deux choses sont annulées bi'idnillah azza wa jalla. Naam. Il n'y a plus le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. C'est qui, inshallah, le prochain? Tayyib. Je crois que c'est Bint Hashmi. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa barakatuh. Quel comportement devons-nous avoir vis-à-vis des pauvres que l'on rencontre dans les rues et qui nous supplient pour que nous leur donnions de l'argent et qu'on n'est pas sûr qu'ils mentent? Et si on a la preuve que ce sont des menteurs? Naam. Déjà, le fait que quelqu'un supplie, il n'a pas appliqué le verset qui dit que la yis'alouna an-nasa ilhafa. La yis'alouna an-nasa ilhafa. Et celui, il est en train de supplier. Et en général, la plupart sont des menteurs. C'est maintenant ça la règle. La règle, la plupart sont des menteurs, sauf quelques-uns. Naam. Sur 10, il y a à peu près 7 menteurs. Et il y a 3 qui vraiment y en ont besoin. De toute façon, il y a par exemple des signes pour savoir si c'est un menteur ou pas. Naam. Quelqu'un qui n'est pas menteur et qui vraiment n'a rien, on va donner notre main car on n'a rien. Dis-lui, viens, je vais t'acheter du pain et du fromage. Il va pas accepter. Il te dit non, je veux l'argent. Voilà, tu parais, yani, la robe. Viens, je vais t'acheter un vêtement. Il n'accepte pas. Viens, je vais t'acheter des médicaments. Il n'accepte pas. Viens, je vais te... ah, tu n'as pas l'argent pour aller où? Pour aller dans l'autre ville. Viens, je vais te payer le bus. On va aller au bus, c'est moi qui vais payer. Il n'accepte pas. Il te dit toujours, je veux de l'argent. Non, ça c'est un menteur. Si vraiment, il dit, j'ai pas de quoi manger, dis-lui, viens, on va acheter un sachet, je vais te le remplir de légumes, je vais t'acheter de la viande. Il va pas accepter. Non, alors que celui qui n'est pas menteur, il accepte. Celui qui n'est pas menteur, tu lui donnes deux pommes de terre, il les accepte. Car deux pommes de terre, il les fait bouillir et il va les manger. Naam. Avec le djilbab, naam. C'est très connu maintenant avec le djilbab aussi. Avec le djilbab pour attirer. Et certaines femmes mettent le djilbab et vont devant la mosquée. Elle met aussi le sitar pour ne pas être reconnue. Et elle fait comme, yani, quelqu'un, yani, qui ne demande rien. Yani, elle est là, assise, yani, khushu', masha'Allah, pour que les gens disent subhanallah. C'est là avec le djilbab et elle n'a pas, subhanallah. Et de toute façon, quiconque donne à quelqu'un, Si tu n'as pas la preuve, c'est un menteur, et tu lui donnes, tu as un ajr, inshallah ta'ala. Mais si tu sais que c'est un menteur, tu as le droit de le gronder et de yani, l'expulser de l'endroit. Hein, et de le gronder, tu lui dis menteur. Tu manges yani, la sueur des gens qui travaillent. Menteur, va travailler. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la sadaqa, il a dit que la zakat, on ne peut pas la donner à quelqu'un qui peut travailler, que quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui est fort et qui peut travailler, on ne lui donne pas la zakat. Naam. Parce qu'il y a le travail, il ne veut pas travailler. Et prochain, inshallah, prochaine question. Pardon, inshallah. Ayyib. Qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que le hadith sur les 40 prières derrière l'imam tient compte de l'endroit où on est placé dans les rangs? Est-ce que le hadith sur les 40 prières de l'imam tient compte de l'endroit où on est placé dans les rangs? Je n'ai jamais lu qu'il fallait être dans un rang spécial. Je n'ai jamais lu qu'il fallait être dans un rang spécial. Naam. De toute façon, celui qui sera dans le premier rang, c'est yani, celui-là rentrera bien sûr à 100% dans le hadith, parce qu'il est dans le premier rang. Dès que l'imam dit Allahu Akbar, il est derrière lui, il dit Allahu Akbar. Naam. Et celui qui est dans le dernier rang, ça veut dire qu'il est arrivé, yani, 5 minutes ou la 2 ou la 3 minutes après Takbir al-Ihram. Naam. Mais je ne connais pas un hadith qui dit qu'il faut être spécialement dans un rang. Je ne sais pas. Je sais que le meilleur rang, c'est s'il est dans le premier rang, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Et je ne crois pas que ça soit obligé. L'essentiel, c'est que quand il dit Allahu Akbar, tu es derrière lui. Derrière lui, premier, deuxième, troisième rang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, je ne connais pas quelque chose spécialement sur le rang. Naam. Tayyib. Maintenant, c'est Omar Abdullah. Je crois que c'était la dernière. Je crois que c'est le tour de Abu Khalid maintenant. Abu Khalid, je t'ai enlevé le point rouge. Assalamu alaikum, ya Sheikh. Wa alaikum salam, rahmatullah. Voilà comment se comporter avec un fils de presque 16 ans qui dit aux gens que son père le force à prier. Et il se sort chez ses parents parce qu'il ne veut pas aller à la mosquée et veut rester avec ses collègues et dehors, etc. Avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, si la sœur est là, la sœur qui a posé sa question sur est-ce que les parents ont le droit de connaître les parents du prétendant? Est-ce que les parents de la fille ont le droit de connaître les parents du prétendant dans une salle, etc. Si elle est là, Inch'Allah Ta'ala, elle me fait signe pour que je lui réponde. Je répète la question. Comment se comporter avec un fils de presque 16 ans qui dit aux gens que son père le force à prier et il se sauve de chez ses parents parce qu'il ne veut pas aller à la mosquée, il veut rester avec ses collègues et dort dehors, etc. Naam. Akhi Karim, une seconde. Akhi Karim, ce n'est pas facile. Barakallahu fikoum, Abdallah. Akhi Karim, ça c'est une fitna. C'est vraiment une fitna si on a un fils pareil. Et maintenant, tout ce que tu dis, toi, n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui a beaucoup de valeur, c'est ce que disent ceux qui sont dehors. Ses collègues et ses amis avec lesquels il dort. Ce sont eux qui, yani, peuvent influer sur lui beaucoup que tu puisses influer toi. C'est une fitna. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Et ainsi nous avons fait des épreuves, yani, certaines personnes, yani, sont des fitnas pour vous. Et on est, nous, des fitnas pour des autres. Akhi Karim, tu dois, Inch'Allah ta'ala, faire beaucoup de doigts, te lever la nuit, faire qiyam al-lil, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend au premier ciel, de t'aider. Et tu dois aller doucement, doucement avec cette personne. Doucement, essayer, c'est-à-dire de l'attirer au maximum, de lui parler beaucoup, de lui envoyer des gens qui lui parlent, de parler à certaines personnes devant lesquelles il respecte beaucoup, les personnes desquelles il a honte, tu les envoies, tu lui envoies aussi certains de ses amis pour lui faire la morale. Sa mère doit beaucoup lui parler à la maison, toi, tu dois beaucoup lui parler. Et faire beaucoup de doigts, car ce n'est pas facile. Naam, ce n'est pas facile, surtout si c'est en Europe. Surtout si c'est en Europe. Ils sont que, il est détaché, là, il a tout. Il n'a pas besoin d'aller à la maison. Il a où dormir, il a ses amis, il a la cigarette, il a tout ce qu'il y a. Naam. C'est pour ça qu'Inch'Allah, tu dois faire beaucoup de doigts et essayer de faire le maximum de l'attirer, yani de lui parler doucement, de lui dire, je te donnerai tout ce que tu veux, yani. Essaye seulement de me suivre, yani, ce que fait ton père, ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Que ce chemin, yani, ne fait pas sortir, c'est dans un tunnel qui n'a pas de bout. Et, Inch'Allah ta'ala, asa Allah subhanahu wa ta'ala, niyahdiyahu. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il raffermisse son cœur et qu'il lui descende la sérénité. Qu'il lui descende la sérénité dans son cœur. Sinon, yani, je dis la vérité que c'est difficile. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Naam. Où est-ce qu'on était, Inch'Allah ta'ala? Oui. Abu Khalid. Naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله vous récompense pour le temps que vous le consacrez. Amen. Une personne qui a l'habitude de jeûner le lundi et jeudi et qui a des kafara à faire et ne sait plus combien il doit jeûner, est-ce qu'il peut mettre l'intention de finir ses kafara en jeûnant les lundis et jeudis jusqu'à ce qu'il finisse de rattraper tous ses kafara? Naam, quelqu'un qui a des kafara, il peut choisir le lundi et le jeudi, mais à condition qu'il mette dans l'intention que c'est la kafara, c'est pas le lundi et jeudi. Il met dans son intention que c'est la kafara et qu'en même temps, ça ne fait rien, il a choisi le lundi et le jeudi parce que ce sont des jours où on montre à Allah subhanahu wa ta'ala nos actions. Naam, ça ne fait rien. Mais son intention c'est quoi? C'est la kafara. Naam. Il fait le lundi et le jeudi, il les met dans sa tête, c'est la kafara, jusqu'au jour où il termine. Quand il a dit qu'il ne sait pas exactement combien de jours qu'il reste, il essaie de compter à peu près. Naam, à peu près. Il essaie de compter un calcul comme ça, et il prend un nombre déterminé, et il se bat sur lui, bi'illa azza wa jal. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Seulement, yataharra. Yataharra, c'est-à-dire qu'il essaie au maximum d'approcher du nombre. S'il ne le connaît pas, il essaye d'approcher comme ça, en choisissant, inshallah ta'ala, un nombre, en faisant certains calculs approximatifs. Bi'idnillah azza wa jal. Naam. Je répétais la question, je dis que, on m'avait demandé, pardon, on m'avait demandé que est-ce que c'était permis aux parents, par exemple, de la fille, de faire la connaissance des parents du prétendant. Je répondrai, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ou salat ou salam ala ashraf al-mursalin. Naam, pourquoi ce serait interdit? Ce ne serait pas interdit de connaître c'est qui la famille de cet homme qui veut demander notre fille dans, yani pour le mariage. Et même la même chose, les gens voudraient savoir qui est la famille de la fille, qui est la famille de l'homme aussi. Donc ceux-là voudraient connaître les parents de la fille, et les parents de la fille voudraient bien connaître qui sont les parents de l'homme et du prétendant. Mais là sera dit que pour se connaître, ils vont se rencontrer dans une salle mixte, et ils vont rester mixtes. Naam. Abu Khalid, j'ai pas fini ma question. Naam, fini là, bi'idnillah. Fini là ou là, on voit là quelqu'un. Je disais que ses parents ont dit qu'ils devaient se rencontrer dans une salle mixte pour faire la connaissance. Or, cela n'est pas permis. Naam, cela n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'en islam, la mixité est interdite. La mixité est interdite. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire comme font tous les gens. Que font tous les gens? Tous les gens, ils s'invitent, par exemple, chez les parents de la fille, par exemple. Ou bien chez les parents de l'homme, il n'y a pas de problème. Ensuite, les hommes vont rester, par exemple, dans le salon, et les femmes vont rester dans une pièce, à part. Ou bien c'est le contraire, puisque les femmes, la plupart du temps, elles sont plus nombreuses. Elles restent dans le salon, et les hommes restent, ils seront combien? 2, 3, 4. Ils restent dans une chambre, mashallah, ils mangent, ou ils boivent du thé, et ils font connaissance. Naam. Ensuite, l'essentiel, c'est que la femme connaisse la femme, et l'homme connaisse l'homme. Yani le père connaisse le père, et la mère connaisse la mère. Ce n'est pas obligé que l'homme connaisse, yani la femme, la mère de la fille. Naam. L'homme connaît son père, et sa femme connaît sa mère. Naam. Ensuite, ils se rencontrent, et lui, il donne son avis, voilà comment est le père. Et la femme lui dit, son épouse lui dit, voilà comment est la mère. Naam. Lui, il n'a rien à voir avec sa femme pour qu'il se rencontre en mixité. Naam. Se rencontrer en mixité n'est pas permis bi'idn azza wa jal. Naam. Ils peuvent comme ça debout rester, yani, quelques temps, le temps de dire salam alaikum. Ensuite, ils se dispersent. Les autres, ils vont dans la chambre, et les autres, ils vont, yani, dans une chambre à part. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala bénit ce mariage et pour qu'il fasse descendre la baraka, et pour que Allah subhanahu wa ta'ala yani fasse de ce mariage un mariage durable, car il a été basé sur la piété et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne commence pas un mariage en commençant par faire des fautes et faire yani, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala sera courroucé. Ensuite, il ne va pas descendre la bénédiction sur ce mariage. Ensuite, peut-être ça ne va pas marcher. Naam. Et quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fait une issue. Et il lui donne des biens, yani, d'où il ne s'attendait pas, bi'idna azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib, on était où maintenant? Est-ce que c'est une sunna? Non. Est-ce que c'est une sunna d'acheter son kfen de notre vivant, et que doit-on écrire dans notre testament? Non. Ce n'est pas de la sunna d'acheter le kfen. Non. Ce n'est pas de la sunna. Je ne connais pas que c'est de la sunna. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, le sahaba ne l'ont pas fait. Et parce que personne ne sait où il va mourir. Tu vas acheter le kfen à Marseille et tu vas mourir à Béjaïa. Alors comment tu vas faire? Tu vas marcher tout le temps avec le kfen. Tu le mets dans un sachet et tu marches avec lui. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Donc le kfen, on ne l'achète pas. Ce sont, incha'Allah ta'ala, ceux qui vont s'occuper de moi après la mort, qui vont me l'acheter avec mon argent. Avec mon argent, si je laisse de l'argent. Sinon, il y a quelqu'un qui l'achète fi sabilillah bi'idna azza wa jalla. Et c'est le seul vêtement que on nous achètera. Naam, n'aie pas peur. Ce vêtement, on nous l'achètera. Naam, on nous laisse, même si on ne veut pas, on va nous l'acheter. On trouvera toujours des gens qui nous l'achèteront. Je disais que pour le kfen, c'est comme ça. Maintenant, pour le testament, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit par exemple à l'intérieur, après qu'on dit Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alayhi wa sallam, on dit par exemple, ça c'est le testament de X. Par exemple, Mohammed ibn X, fils de X. Naam. Et il écrit à l'intérieur les choses qu'il ne voudrait pas qu'il se passe et les choses par exemple qu'il souhaiterait. Par exemple, il dit par exemple, je souhaiterais que vous me, par exemple, que vous me m'enterriez dans tel cimetière qui n'est pas loin de la maison. La sunna c'est d'enterrer quelqu'un dans, non seulement dans le pays où il meurt, mais encore dans la ville où il meurt, et encore dans le cimetière qui est le plus près de lui. C'est ça la sunna. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit adjilo, il a dit faites vite pour le dafn, pour l'enterrement il faut faire vite. C'est pas comme certains gens, ils ont quelqu'un qui meurt, ils attendent que la famille vienne des États-Unis. Naam. On attend demain, il y a sa tante qui va venir de Paris. Masha'Allah, on attend sa tante qui va venir de Paris demain. Masha'Allah, on ne va pas l'enterrer. On va laisser, il va dormir dans le salon aujourd'hui avec nous. On le couvre, il est là dans le salon, Allah yahmou, au lieu qu'il soit dans sa tombe. La hawla wa la quwwata illa billah, Allah al-musta'an. Naam, ils ne savent pas qu'on doit faire vite. Avec qui? Avec le mort. Au point où, vous savez qu'il est déconseillé de d'enterrer quelqu'un la nuit. Vous savez ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré la nuit. Naam, alors que Abu Bakr Siddiq a été enterré la nuit. Alors que Fatima a été enterré la nuit. Alors que Sheikh Al-Albani a été enterré la nuit. Pourquoi? Parce que c'est le besoin. On ne peut pas attendre jusqu'à lendemain. On ne peut pas. C'est beaucoup. C'est pour ça qu'on doit faire vite pour l'enterrer bi'idnillahi azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, on a enterré une femme la nuit, celle qui Ummu Mihjan, celle qui s'occupait de la mosquée de la Hama, on l'a, radiyallahu ta'ala anha, on l'a enterré la nuit. Il n'a rien dit, il est même allé au cimetière faire la prière sur elle, et on a enterré aussi un homme la nuit. Al-Muhim. On écrit aussi, par exemple, je me désengage de toute personne qui, lorsque je meurs, va se frapper les joues, ou bien se tirer les cheveux, ou se déchirer les vêtements. Je me désengage, par exemple. Chacun écrit d'après quoi? D'après sa famille. Il connaît sa famille. Il dit, par exemple, ma famille, je sais qu'ils vont faire le 40e jour. Je les connais. Ils vont faire le 3e, le 40e jour. Il dit, je suis béri. Je suis béri de celui qui fait pour moi le 40e jour et le 3e jour. Je suis béri pour celui qui va me ramener le groupe qui vont lire le Coran sur moi. Et ils vont manger beaucoup de couscous et beaucoup de viande. Ils vont manger beaucoup plus que lire. Naam. Ils liront une demi-heure et mangeront 2 heures. 2 heures de manger et une demi-heure de récitation. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala musta'an. Ensuite, il peut dire par exemple, je souhaiterais que X me lave. X, le sunni, masha'Allah. X, le salafi que tu connais. Je souhaiterais que ce soit lui qui me lave. Et je souhaiterais que ce soit X qui fasse sur moi la prière. Et comme ça, chacun dira, inshallah ta'ala, des choses qui lui sont personnelles. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. On est où maintenant? Prochaine question, c'est qui, inshallah ta'ala? Moumou, inshallah, prépare-toi. On redémarre, vous la voyez pas? Je ne vois pas. Ma question ne concerne pas la prière. Puis-je? Moumou, attends que Ibn Kathir pose sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme salam, il est conseillé à une personne possédée ou atteinte d'un mal, sihr, mes'ain, de se faire ruqya elle-même et de patienter dans son mal. Mais je donne l'exemple d'une personne qui doute d'être atteinte d'un mal et qui peut aussi demander à un imam de lui faire ruqya afin de voir si elle est vraiment atteinte. Naam. Ibn Kathir, tu as terminé, écrit numéro 1. Tayyib. Et maintenant, Ibn Kathir, il y a le son. Ahsant. Quelqu'un qui sent, ou là il a des doutes, il se dit peut-être j'ai un mess ou la aïn ou la sihr. Naam. Et si il s'y connaît pas, il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire pour savoir, pour se tester, il peut demander, inshallah, la ruqya. Il peut demander la ruqya pour savoir ce qu'il a. Naam. C'est comme quelqu'un qui doute, est-ce qu'il a telle ou telle maladie. Il doute, il se dit, est-ce que j'ai par exemple le diabète? Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Il va faire des analyses pour voir s'il a le diabète ou il ne l'a pas. Comme ça, quand il sait qu'il ne l'a pas, il est, alhamdoulilah, il est rassuré. La même chose ici. Quand quelqu'un fait la ruqya, pourquoi? Pour être sûr que, inshallah ta'ala, il n'a rien. Naam. C'est permis et c'est peut-être même conseillé. Pour savoir, yani, comment faire dans le cas où il trouverait quelque chose. Et pour être très rassuré, quand on lui dit, tu n'as rien, mais ce n'est pas n'importe qui fait la ruqya, comme vous devez savoir. Ce n'est pas la ruqya des charlatans, mais la ruqya de quelqu'un qui sache, yani, comment on fait la ruqya d'après la sunna sahiha, et non pas la ruqya des bid'ah, non pas la ruqya des bid'ah et des innovations et du shirk. La ruqya du shirk qui te guérit un mois. Et ensuite, le djinn, yani, va venir beaucoup plus fort que la première fois. Naam. Il te laisse tranquille un mois parce que tu viens de faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire le haram, etc. Tu viens d'avoir égorgé au nom du djinn. Il va te laisser un mois, deux mois, jusqu'à 6 mois, peut-être une année. Masha'Allah. Ensuite, il va venir avec une faim et une soif plus grande que la première. Mais celui qui fait sortir le djinn, là, le sihr, parce qu'il y a aussi le djinn qui surveille le sihr, c'est plus dangereux qu'un sihr tout seul. Il y a le sihr tout seul, on peut vomir, si on l'a mangé, on peut vomir, on guérit. Si maintenant on l'a mis quelque part, il faut le trouver. Mais s'il y a un djinn qui surveille le sihr, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, si on fait annuler ce sihr en sortant ce djinn avec la sunna, il ne va plus revenir. Et si on le fait sortir avec la poule, etc. Yani, dans le haram, on va l'égorger dans le haram, il va nous laisser un peu tranquille et il va revenir. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Naam. Moumou, tafaddal biiznillah. Je n'ai pas compris la question. Pas compris. Oui. Salam alaikum, cher, je voudrais savoir qui, lorsqu'on subit des épreuves dans le monde dissipant, celui signifie qu'Allah nous aime. Nous sommes juste pour que notre Seigneur voit si on est un vrai croyant. Allah peut-il tenir un musulman dans la vie dissipant? Si oui, cela dépend de quoi? C'est assez vaste, et si je vais parler dans cette chose, il faut que je parle beaucoup. C'est pour ça que je vais résumer très vite. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, il lui donne des épreuves. Donc remarquez que quand il aime quelqu'un, il lui donne des épreuves. Et Allah ta'ala, pour aimer quelqu'un, pour que ça soit un pieux. Donc, les épreuves, c'est d'après la personne qui les a eues. Si c'est une personne, masha'Allah, yani qui ne rate pas la prière, qui a peur d'Allah et qui s'éloigne toujours du mal, etc., ça veut dire qu'Allah l'a aimé et il veut l'élever encore plus haut. Naam. Elle a un ajr, inshallah ta'ala. Mais si c'est une personne qui ne fait pas la prière, si c'est une femme qui montre ses cheveux dans la rue, si c'est ceci, cela, yani le haram, ça veut dire que c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire dans ce cas, c'est quoi? C'est un avertissement. Naam, c'est un avertissement. Parce que Allah ta'ala, quand il donne des choses comme ça, c'est pour te faire revenir vers la raison, pour te faire raisonner. Je dis attention, si je te donne pas des choses comme celle-là, tu vas t'oublier et tu vas yani mourir comme ça, noyé dans les péchés. Mais Allah ta'ala donne des maladies, donne des malheurs, donne des problèmes pour que la personne se réveille. Naam. Hello là. Comment dit Allah? Pardon. Afoun. Hawla wa la quwwata illa billah. Je vais boire un peu d'eau et je reviens, inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je disais que Allah subhanahu wa ta'ala donne des choses pareilles pour nous faire raisonner et nous faire revenir vers lui. On s'oublie. Moi, s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de malheur, j'oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis du matin au soir en train de courir derrière ce bas monde et derrière l'argent. Maintenant Allah ta'ala va me donner des choses pour que je reste quelques jours à la maison malade ou là à l'hôpital pour méditer un peu. Méditer. Naam. J'aurais pu mourir, subhanallah, je me dis comme ça. Je viens de faire un accident de voiture. Bon, j'ai seulement un pied cassé, mais j'aurais pu mourir, subhanallah, l'adim. Et si j'étais mort? Comment? Qu'aurais-je dit à Allah, subhanahu wa ta'ala? Alors que je fais pas la prière, là je porte pas le djidbeb, ou là je ne sais pas comment. Comment? Que vais-je dire à Allah? Donc Allah ta'ala nous donne des choses pour, yani, qu'on médite et qu'on revienne vers lui. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, dans un verset qui se trouve dans sourate al-an'am, il a dit falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyanahum shaytanu ma kanu ya'malun. Allah ta'ala a dit je sais pas comment on explique ça, il a dit lorsque je leur ai donné yani le malheur, le ba's, le mal, pourquoi ça ne les a pas poussés à méditer? Pourquoi? Naam, lorsque je leur ai donné le mal. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Pourquoi lorsque je leur ai donné le problème, ils n'ont pas levé les mains vers moi et ils ne sont pas revenus vers moi? Naam. Il a dit وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُبُهُمْ. Mais ils ont un cœur dur. Grâce à cela, ils ne reviennent pas. وَزَيَّنَهُمْ شَيْطَانُ مَكَنُوا يَعْمَلُونَ. Et le shaitan leur a embédi la chose. Grâce ils ne reviennent plus vers moi. Donc dans beaucoup de cas, Allah Ta'ala donne des malheurs, etc., pour que tu te rappelles et que tu reviennes vers lui. Naam. Même si Allah subhanahu wa ta'ala châtie quelqu'un, même s'il châtie quelqu'un en lui donnant une maladie ou là, en même temps il lui veut du bien. La question qu'il dit ici, elle dit, où est-ce juste pour que notre Seigneur voit si l'on est un vrai croyant? Allah subhanahu wa ta'ala sait si on est un vrai croyant ou un faux. C'est pas pour que Allah voit. c'est pour que Allah nous montre. Il nous montre à nous. C'est ça ce que ça veut dire voix dans le Coran. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit liya'lam Allah, liya'lama sadiqin, par exemple, ou liya'lama kadibin, ou liya'lama alladhina jahadu minkum. Ça veut pas dire qu'il ne savait pas, il veut savoir. Abadan. Ça veut dire pour que vous sachiez, vous. Hein, il va faire la hujja, il va faire, yani, pour que vous n'ayez plus d'excuses. Voilà, je t'ai donné cette chose. Regarde quelle a été ta réaction. Regarde, je t'ai donné la maladie pour que tu reviennes vers moi et que tu me dises, ya Allah, je me suis trompé, ya Allah, pardonne-moi. Et tu verras que, inshallah ta'ala, tu seras vite guéri. Alors maintenant, c'est le contraire. Elle ne veut pas revenir, cette personne. Elle ne veut pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ce sera quelque chose contre elle. Naam. Ce sera quelque chose contre elle. Allah subhanahu wa ta'ala. En yu'afiyana. Naam. C'est pour ça que quelqu'un qui est pieux, il est gagnant dans tous les cas. Quelqu'un qui est pieux, mashallah alayh, il est gagnant dans tous les cas. Toujours gagnant, toujours. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amru al-mu'min kulluhu khayr. Il a dit, le cas du croyant, c'est toujours du bien. C'est toujours. Il a le cancer, c'est un bien pour le croyant. Tout ce qui se passe pour lui, c'est quelque chose de bien, quelque chose de bénéfique, et c'est pour, c'est pour ses intérêts, bi'idhnillahi azza wa jalla. Tayyib. C'est quoi l'autre question, Inch'Allah? Je crois que Moumou avait posé une question. Est-ce qu'un frère commerçant peut vendre un produit à deux prix différents? C'est-à-dire un prix en boutique et un prix différent au marché. Est-ce permis, jazakallahu khairan? Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Quand quelqu'un vend une chose, il la vend d'après, yani, combien qu'elle se vend dehors. Naam. D'après combien qu'elle se vend dehors. Si dans un marché elle se vend comme ça, il la vend comme ça. Si dans l'autre quartier ou dans l'autre ville elle se vend moins cher, il la vend moins cher. Naam. Inch'Allah ta'ala. Prochaine question, Inch'Allah, et Abu Haroun, prépare-toi. Naam. Tayyib, Souel, est-ce que le fait d'avoir souvent envie de manger, de manger beaucoup, fait que nous soyons plus près du corps que dans l'islam? Avant de répondre à cette question, je voudrais faire une petite remarque, c'est tout. Aux frères, ou bien, peut-être ce ne sont pas des frères, je ne sais pas, aux hommes qui sont dans la salle, dans cette salle, et qui envoient des PV aux femmes. Naam, je voudrais leur dire de Taqullah subhanahu wa ta'ala. Taqullah subhanahu wa ta'ala. Taqullah subhanahu wa ta'ala. Il peut vous arriver des malheurs. Naam, il peut vous arriver des malheurs. Quoi? Parce que vous êtes dans une salle où c'est pour apprendre l'islam, c'est pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour se rapprocher de lui, et non pas pour, yani, envoyer des lettres à des femmes et d'embêter des femmes. C'est pourquoi je plaindrai un peu les sœurs qui laissent leur PV ouvert. Naam. La sœur, si elle veut vraiment que personne ne lui parle, elle peut bloquer ses PV. Elle rentre où c'est écrit pour, action c'est top là, et elle ferme ses PV. Personne ne peut la contacter, comme je vois que font beaucoup de sœurs qui sont sérieuses. Même moi, il y a des sœurs que je connais, même moi je veux leur envoyer quelque chose, je peux pas. Certaines, j'ai besoin d'elles, et je peux pas, elles ont bloqué. Naam, mashallah alayhum. Tayyib. Non, le fait de manger beaucoup, on peut être quelqu'un qui aime manger beaucoup. Mais, moi je parle de certains gens, les kofars, qui, le manger, c'est l'un des grands buts pour lequel ils vivent. Naam. C'est un des buts, ou là des grands buts pour lequel ils vivent. Moi je ne parle pas de quelqu'un qui a faim, qui a devant lui beaucoup de manger, il a faim, il veut manger. Là, on peut tous avoir cette chose. Mais je parle de quelqu'un, moi quand je mange, pourquoi je mange? Je mange pour yani être en forme, inshallah ta'ala. Comme ça, yani, je peux aller à la mosquée, je peux faire yani les choses obligatoires. Je ne vais pas tomber malade. Mais le kefir pour lui, manger, c'est quelque chose comme nous, prier. Nous, on pense à la prière, yani, quand est-ce que c'est le moment, etc. Mais comme ça, il pense au manger. Yani, c'est quelque chose de très très important pour le kefir. c'est à peu près comme l'animal. Non, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc quand on mange beaucoup, ça ne veut rien dire, sauf si on mange yani, désordonné, on mange tout le temps, on mange yani, avec avidité. Là, on a commencé à le ressembler un peu. Ça ne veut pas dire qu'on est kafir, ma'adallah, mais on leur a ressemblé dans le mode de vie et dans la façon de manger. Non. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Abu Harun, prépare-toi. Naam, pour les sœurs qui ne savent pas bloquer, vous allez dans la page de garde et vous voyez ce qui est écrit en rouge ici. Vous cliquez sur la flèche qui se trouve sous Restore. Ça y est, pour les femmes, quand elles prient à la mosquée, doivent-elles aussi privilégier le premier rang ou elles peuvent prier au milieu? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le croyant mange dans un seul intestin et le kafir dans sept. Vous connaissez. Ça y est. Je commence par Omar Abdullah. Pour les femmes, quand elles prient à la mosquée, doivent-elles aussi privilégier le premier rang ou elles peuvent prier au milieu? Les femmes qui, maintenant, sont dans une mosquée, de façon à ce que, par exemple, il y a un mur et on ne voit pas la femme, là, s'il y a un mur et on ne la voit pas. On ne sait même pas qu'elle est, elle est par exemple au-dessus de nous. Au-dessus de nous, il y a un mur, on ne la voit pas, elle est dans une autre chambre. Certains ont dit, dans ce cas, si elle prend le premier rang, c'est mieux. Naam. Et d'autres ont dit, toujours quand elle est à l'arrière, c'est mieux. Mais je crois que le premier avis est beaucoup plus juste. Pourquoi? Parce que pourquoi elle ne doit pas être dans le premier rang? Pour ne pas être trop proche des hommes. Maintenant, il n'y a pas les hommes. Elle est dans un salon, on est dans une salle en haut. Il n'y a aucun homme. Donc, je ne vois pas pourquoi elle doit aussi aller à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je prends de l'avis que quand elle est dans une salle seule, loin des hommes, elle peut être, inshallah ta'ala, dans le premier rang. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je remarque que plus je parle, plus j'ai la toux. Y a-t-il un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le croyant mange dans un seul intestin et le kafir mange dans sept? Naam, je l'ai cité tout à l'heure et je l'ai expliqué, ça fait deux ou trois mois. Le hadith se trouve dans Sahih al-Jama'a du Sheikh al-Albani. Il a dit hadith Sahih. Le croyant mange dans un seul intestin, c'est pour ça que très vite, bi'idnillah ta'ala, il n'a plus envie de manger. Et le kafir mange dans sept. Naam. Si vous voyez, il est tard. Si vous voyez ce que mangent les kuffars, vous vous étonneriez. Non. N'en parlons pas de ceux qui mangent des grenouilles, ceux qui mangent des serpents, etc. N'en parlons pas de cela. Une fois, j'ai vu dans une cassette vidéo, j'ai vu Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. J'ai vu des koufars qui se sont assis dans un restaurant et ils attendaient qu'on leur donne à manger. C'est un restaurant spécial. Ben Tashbi, est-ce qu'il y a le son? Ça y est, barakallahu fik. Dans ce restaurant, qu'est-ce qu'il y a? On s'assoit autour d'une table et au milieu de la table, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un trou, comme ça, un cercle, un trou. Et maintenant, le serveur est venu. Il est venu avec ce que vont manger le couple. Ils étaient deux couples, je crois. Qu'est-ce qu'on leur a ramené? Un singe vivant. Un petit singe musclé. C'est un bébé, c'est même pas un singe. Un petit singe. Qu'est-ce qu'on met? On le fait rentrer sous la table. De façon à ce que sa tête seulement sorte d'en haut. Ça veut dire ceux qui sont assis, ils voient seulement sa tête qui sort. Ensuite, il y a quelque chose qui se ferme comme ça, de façon à quoi? De façon à ce que sa tête ne tombe pas. Elle reste comme ça visible. Et lui, il est maintenant, elle est accrochée entre yani ciel et terre. Il a seulement sa tête qui apparaît. Et ensuite, la hawla wa la quwwata illa billah, qu'est-ce qui se passe? On commence à le manger comme ça vivant. Naam. Le serveur qui avait déposé ce singe, il prend un grand couteau et lui commence à ouvrir la cervelle. Il lui ouvre la cervelle d'en haut. Et l'autre muskin, en train de crier, en train de hurler, le petit singe, ensuite, il lui a enlevé une partie de la tête comme on enlève au pastèque. Le pastèque, on lui enlève des deux côtés. Un morceau à droite, un morceau à gauche, la même chose. Il a enlevé un morceau de la tête. Maintenant, il y a quoi? Il y a le moch à l'intérieur. Il y a la moelle avec. Et avec la fourchette, ils ont commencé à manger. Est-ce que ça se fait? Ce sont les koufars qui disent que nous, mashallah, on est, yani, comment qu'on dit, le havara. Naam, les koufars qui disent que, yani, nous, mashallah, tatawur. Naam, tatawur ou le havara. Comment qu'on dit tatawur ou le havara en français? On dit, yani, attendez, je cherche le mot avec, Allah, comment qu'on dit tatawur ou le havara? Tatawur, on dit, mashallah. Tatawur ceux-là. C'est quoi? Bon, la civilisation, j'ai dit que l'autre, masha'Allah, ils sont civilisés. Masha'Allah. Barakallahu fik, ukht salafiya, jazakallahu khayran. Naam. Donc ceux-là, ils se disent civilisés et développés. Masha'Allah, ils sont très développés. Et, une fois j'ai vu dans le Guinness Hadak, Guinness ou là, comment qu'il s'appelle, le concours Hadak, quelqu'un qui mangeait quoi? Qui mangeait des serpents. Non, des petits serpents comme ça, c'est pas des vers de terre, hein. Des petits serpents de la taille du verre, comme ça, très très petit. Et il prenait, yani, non, jinazada. Il prenait combien? Une poignée, 30-40, il est rentré à la fois. Des serpents vivants, 30-40 à la fois, et il les mange. Et le sang qui commence à couler de sa bouche. Voilà quelqu'un qui va nous apprendre, yani, la civilisation. Va nous apprendre comment être civilisé bi'idna azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Donc, Abu Harun, tafaddal. Est-ce que Abu Harun a posé la question? Abu Harun, est-ce que tu as posé ta question? Le but de la mort, prépare-toi. Walaykoum salam, mon père a égorgé un mouton pour l'Aïd à Mecca. Ma mère aurait-elle dû égorger un mouton sachant qu'elle est restée en France? Et une autre demande, pouvez-vous m'interpréter ce rêve? J'ai rêvé une éclipse lunaire. Pour le mouton, s'il n'y avait pas une famille, si elle était seule, elle n'était pas obligée d'égorger un mouton. Mais s'il y avait la famille, par exemple, ses fils avec elle, etc., ils auraient dû égorger aussi un mouton. Mais tant qu'elle est seule et son mari là-bas, elle n'est pas obligée, inshallah ta'ala, d'égorger un mouton. En ce qui concerne les rêves, je n'ai pas beaucoup de ilm dans les rêves. Mais l'éclipse lunaire, naam, c'est quelque chose que, en principe, normalement, c'est pas quelque chose de bien. C'est pour ça que, en principe, on doit cracher trois fois sur le côté gauche, dire Aoudoulah Shtarajim, et ne pas la raconter. Parce que l'éclipse lunaire, c'est que, quand c'est pas dans le rêve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en colère. Il nous montre, un signe. Naam. Donc, je demande à cette personne, Inch'Allah ta'ala, de dire Aoudoulah Shtarajim, de cracher trois fois sur le côté gauche, et de ne plus la raconter bi'idnillahi azza wa jal pour l'effacer. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Le but de la mort, tafaddal. Salam alaykoum wa alaykoum salam. Pourquoi les gens que l'on rencontre dans la rue qui demandent de l'argent? On les rencontre à chaque fois, par exemple, au marché. S'ils ne sont pas des musulmans, que doit-on faire? On leur donne ou pas, voilà, clôture. Naam. il est permis de donner à un kafir de l'argent, il est permis, sauf si c'est zakat al-fitr. Zakat al-fitr, on ne la donne jamais à un kafir. Non. Mais avant de donner de l'argent à quelqu'un, comme tu dis toi qui est devant la mosquée ou je ne sais pas où, dans la rue, devant le marché, moi au lieu de donner à celui-là, je commence à donner à ma famille. Non. Il y a des gens de ma famille qui sont beaucoup plus nécessiteux que cet homme ou cette femme que je ne connais pas. Non. Quand je donne à quelqu'un de ma famille, j'ai deux ajra. Le premier pour avoir donné l'aumône, le deuxième pour avoir donné à quelqu'un de ma famille, c'est le tarrahim. Non. Mais s'il y a quelqu'un, même s'il est kafir, et qu'on sent, dans notre cœur qu'il est vraiment nécessiteux, yani vraiment celui-là, il va mourir de faim. Celui-là, si tu lui achètes du pain ou là, tu lui donnes de l'argent pour acheter ou là, Inch'Allah ta'ala, c'est valable. Inch'Allah ta'ala, c'est valable. De toute façon, moi, je vous dis une chose, je ne sais pas ça, c'est une chose personnelle. Moi, je veux donner quand je sens que cette personne mérite. Non, je veux que quand je donne, je sente quelque chose. Je veux que je sente quelque chose dans mon cœur que j'ai fait quelque chose. Non, je veux mettre la chose dans la main de celui qui vraiment mérite cette chose. Et des fois, je me trompe, bien sûr. Mais quand on se trompe, on a toujours le ajr. On a toujours le ajr, comme dans le hadith sahih de la personne qui a fait l'aumône et on lui a dit tu as fait l'aumône à un riche. Ensuite elle a refait l'aumône et on lui a dit tu as fait l'aumône à une femme ou là qui fait la zina. Ensuite la troisième fois c'est la même chose, on lui a dit aussi tu as donné de l'argent à quelqu'un qui, je ne sais, j'ai oublié c'était quoi, mais c'est toujours la même chose. Ensuite quelqu'un est venu dans le songe et lui a dit quant aux riches tu lui as donné, peut-être ça va lui être à qui vole. Voilà, ça, jazakallah. Au riche, tu lui as donné, peut-être, Inch'Allah ta'ala, ça, il va méditer, il va dire comment, moi je suis un riche et je ne donne pas. Quant au voleur, tu lui as donné, Inch'Allah, peut-être qu'il va arrêter de voler. Et celle qui fait la zina, Inch'Allah ta'ala, va arrêter de faire la zina. Donc regarde, il a donné à ces trois personnes et ça a été accepté, bi'idnillahi azza wa jal. Le but de la mort a dit, Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il accomplit les 40 jours de prière suite à votre hadith, quels sont les cas où ce pacte est annulé par Allah? Des exemples. Est-ce que l'on peut se marier directement s'il trouve une femme, par exemple, il est en voyage dans un pays pour un certain temps. Il trouve une femme qui lui plaît et il n'y a personne de sa famille pour y assister. C'est donc, c'est déconseillé ou pas? Non. Je relis, Inch'Allah ta'ala. Pour les 40 jours de prière, quels sont les cas où ce pacte est annulé par Allah? Naam, les cas, c'est lorsque quelqu'un va faire les grands péchés. Va faire les grands péchés et il va mourir comme ça. Celui-là, il a annulé. Khlas. Naam, pourquoi? Il a fait les grands péchés et ensuite il est mort. Il est mort comme ça sans faire le repentir. Naam. Mais si quelqu'un fait les 40 jours, ensuite, masha'Allah, il termine comme ça dans le chemin où il est, la prière à l'heure, etc. Inch'Allah ta'ala, c'est quelqu'un de Masha'Allah. Il se trompe et il revient. Il revient vers Allah. C'est lui le repentant, Azza wa Jal. Mais, ce n'est pas comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, il ne va plus faire la prière. Face. Il va passer son temps au bar. Celui-là, à quoi ça lui a servi? À quoi ça lui a servi ce qu'il a fait? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Et quand on est en voyage dans un pays pour un certain temps, on trouve une femme qui lui plaît. Il n'y a personne de sa famille pour y assister. C'est déconseillé ou pas? Non, plus le mariage. Il n'y a pas les membres de la famille. Plus, yani, c'est un mariage qui devient un peu douteux. C'est pour ça que le mariage, plus on fait part aux gens, plus on montre ce mariage, plus c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime et que quelque chose qui est demandé par la sharia. Et plus on ne connaît pas qui c'est yani, cette femme, ni où est son tuteur, ni yani, où sont les témoins, ni plus on rentre dans les problèmes. Hein. Des fois, jusqu'au cas où le mariage n'est pas valable, par exemple, c'est quoi? Par exemple, si on ne fait pas, si elle a un tuteur, elle ne lui fait pas appel. La femme a un tuteur, il lui fait pas appel, elle se marie sans tuteur, son mariage n'est pas valable. Et la même chose, si elle a un tuteur, ils ne font pas témoigner deux personnes qui remplissent les conditions. Dans ce cas aussi, son mariage n'est pas valable. Il faut faire témoigner deux personnes qui remplissent les conditions. Ensuite, quand quelqu'un se marie, ce n'est pas comme ça, parce qu'il est en voyage et... Non, ce n'est pas comme ça, quelqu'un qui est en voyage, une femme lui plaît, soit il veut se marier, ce n'est pas comme ça facile le mariage. Non, il faut qu'il fasse sur la ta'ala des calculs et pour que ce soit, pas un mariage de désir, c'est tout. Que ce soit un mariage sur la ta'ala basé sur la piété, un mariage basé sur la longévité de l'Inna Azzawajal. Non, maintenant, Inch'Allah ta'ala. Ilyas, tfadl. 23h45, naam. J'attends les 15 dernières minutes. Bidnillah ta'ala. Ilyas, tfadl. Taïb, puisqu'Ilyas n'est pas là, c'est à qui le tour, Inch'Allah ta'ala. Oum Abdallah, t'as fait d'aller. Parce que les péchés peuvent retarder l'exaucement de nos invocations en cas de détresse. Naam. Vous savez, tout le monde connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit que quelqu'un va en voyage, etc. Et les cheveux ébouriffés, ça. Ensuite, il lève les mains, il commence à faire les doigts. Ensuite, le prophète alayhi wa sallam a dit: sans manger le haram, il s'habille de haram, il boit le haram, ça anna yustajab lahu. Yani, qu'il fasse des doigts ou qu'il ne fasse pas. Yani, qui va lui exaucer ses doigts. Le premier, l'une ou la première condition pour faire les doigts, c'est d'être loin au maximum des péchés. Surtout des grands péchés. Non, l'une des premières conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte nos doigts, c'est de s'éloigner des péchés. Non, même quand on est dans détresse ou on n'est pas, si on fait des doigts, il faut toujours être quoi? Être pieux, bi'idnillah azza wa jal. Certains ont dit que quand c'est mustar, amman yujibu al-mustar ila da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa' al-ard. Certains ont dit, quand on est en cas de détresse, yani, les péchés, yani, n'influent pas beaucoup quand on est en cas de détresse. Naam, cet avis est un peu plausible. En ce sens que, quand on est en cas de détresse, yani c'est notre cœur, yani qui lui-même, yani veut sortir de nous et commence à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon, yani où on devient très sincère. On devient très sincère quand il y a quoi? Quand il y a la détresse. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala s'exauce à cause de la sincérité qu'il y a dans le cœur. Mais il faut faire une grande différence entre qui? Entre ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala dans la détresse et ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala quand ils sont masha'Allah, quand ils sont en bonne santé, ils ont de l'argent, etc. Le vrai musulman, le vrai croyant, celui que Allah ta'ala aime, c'est celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala quand il est masha'Allah, quand il est en bonne santé, quand il est jeune, quand il a de l'argent. Hada, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le kafir et le pervers aussi, ou là le musulman qui est loin du din, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne connaît Allah Azza wa Jalla que quand il a des problèmes. Allah Musta'an. Ça, c'est un signe. C'est un signe pour nous. Naam. Maintenant qu'on est bien, qu'on est masha'Allah, on n'a pas de problème. Est-ce qu'on connaît Allah? On fait des doigts, on dit Alhamdulillah, on lui demande des choses. Ou là, on attend seulement quand on tombe malade et qu'on fasse un accident de voiture pour lever les mains. C'est ça le signe pour que tu te connaisses toi-même. Pour que tu saches où tu es, qui es-tu. Combien yani, tu connais Allah subhanahu wa ta'ala? Tu connais seulement dans les problèmes? Quand tu es bien, tu l'oublies, il n'y a pas. Il n'y a pas là, seulement quand j'ai des problèmes. Ça, c'est le kafir. Le kafir, quand il a des problèmes, il lève la main. Non. Donc, le vrai musulman, c'est celui qui revient toujours vers Allah. Celui qui, son cœur est toujours, yani, attaché. Son cœur est toujours, disons, branché. Branché, yani, vers le ciel. Vers Allah subhanahu wa ta'ala, en train de lui demander ou bien en train de l'invoquer. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Prochain, inshallah. Tfadlal. Les 10 dernières minutes. Tfadlal, inshallah. Est-il juste de dire que Hukm Kouniya, c'est la volonté d'Allah, et Hukm Sharia, c'est le vouloir d'Allah. C'est pas bien compliqué ça de dire Hukm Kouniya. Pas bien compliqué. Hikma Kouniya, peut-être. J'ai pas compris comment on dit ça en arabe. Il faut me le dire en arabe. Et il juste de dire que Shokm Kouniya, c'est la volonté d'Allah, et Shokm Sharaïya, c'est le vouloir. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre la volonté et le vouloir. C'est quoi la différence entre la volonté d'Allah et le vouloir d'Allah? Je vois pas la différence. Naam, sur le Qadr, la prédestination d'Allah. Où est-ce qu'elle est ici, la prédestination? Non. Écris-moi, inshallah, la question en arabe. Écris-moi, inshallah, la question en arabe. Non. Fawzan, tafadal, Fawzan. Ça vient à moi, 26, puis il est sur le. Ah. C'est trop tard. طيب بنت هاشمي ابري فوزان j'ai pas lu le message, c'est trop tard. Salam alaykoum ya cheikh, un groupe de frères pratique la lutte, le sport, cependant avec les contacts physiques les frères perdent des poils de barbe. Qu'en est-il? Y a-t-il une expiation ou un serment non respecté fait sous la colère? Allah vous accorde le succès dans les demandes. Naam, les frères qui pratiquent la lutte, je dis Inch'Allah, hein, je les ai pas vus, je dis Inch'Allah que ils couvrent leur aura. Je dis que Inch'Allah ils couvrent leur aura. J'espère que ils font pas la lutte comme on montre des gens dans la télévision. Comme ça, je passe dans la rue, je vois dans les cafés, il y a les télévisions, il y a des gens qui font la lutte, des animaux humains qui font la lutte. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que ces frères, quand ils font la lutte, ils ont la awra bi'idna ta'ala cachée. Naam. En ce qui concerne les poils de la barbe, ça n'a rien à voir bi'idna azza wa jal. Pourquoi? Parce que, yani, son intention, c'est pas de faire tomber les poils. Et les poils tombent, Allah ghalib. La yukillifullahu nafsan illa usaha. Naam. C'est pas nous qui voulons qu'ils tombent. Mais ça tombe à cause de la lutte, etc. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas grave. Naam. Pour le serment, l'expiation pour un serment non respecté fait sous la couleur. Un serment non respecté fait sous la couleur. C'est quoi un serment? Yani, par exemple, un serment avec Allah ou là avec des personnes. J'ai fait un serment avec Allah subhanahu wa ta'ala de faire quelque chose, ou là j'ai fait avec des personnes, je leur ai dit par exemple je vous ramène telle chose et je ne l'ai pas ramené. C'est quoi exactement ici? Je n'ai pas compris. Avec Allah, est-ce que c'est juré un serment? Est-ce qu'il a juré? Il a dit par exemple Wallah je vais faire telle chose. Dis-moi si c'est ça. Est-ce qu'il a juré par exemple Wallah je vais faire telle chose? Ah, ça. Naam. Quand on jure par Allah, je vous ai dit une fois, essayez toujours d'apprendre de dire Inch'Allah. Apprenez dans votre langage de dire beaucoup Inch'Allah. Comme ça, dès que tu jures, tu dis Inch'Allah. Comme ça, si jamais tu n'appliques pas le serment, tu n'as pas d'expiation, tu n'as pas la kuffara. Pourquoi? Parce que tu as dit Inch'Allah. Naam, apprenez à dire Inch'Allah après avoir juré. Parce que tu ne sais jamais, tu ne peux pas faire la chose. Deuxièmement, si on était dans un état de colère vraiment grand, au point où yani, ça nous dépassait, on n'a pas d'expiation, on n'a pas la kuffara. Naam, si la colère était vraiment grande, on n'a pas Inch'Allah ta'ala la kuffara. Naam, sauf si la colère était moyenne ou petite. Bi'idnillahi azza wa jal. طيب بنت هاشمي تفضلي. شمس prépare toi. طيب ça passe pas même si je coupe. Elias تفضل. Elias, j'attends ta question. C'est peut-être les trois ou quatre dernières questions. Fadbal, Ilyas. Oui. C'est qui a pris Ilyas? C'est qui a pris Ilyas? Oum Abdullah, t'as fadbal. On a de la plus la main levée. Est-ce qu'on paye les dettes d'un parent koufar? Est-ce qu'on peut payer les dettes d'un parent koufar? Est-ce que le kafir est mort? Est-ce que le kafir est mort? Est-ce que ce parent est mort? Eh bien, pas de J'avais dit que j'avais dit que payer les dettes pour quelqu'un, ce n'est pas obligé. Naam, ce n'est pas obligé, même les dettes du père. Même les dettes du père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a fait, c'est pas moi. Un père, mon père peut me remplir de dettes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va acheter, etc. Et il meurt, il me laisse des millions sur mon dos. Ça veut dire que classe, moi je suis, tout mon argent doit partir dans ses dettes. Je ne suis pas obligé de lui payer, sauf si je veux. Si je veux. Naam. Si je veux, comme ça en islam. Sauf si je veux, bien azza wa jal. Naam. Pour le kafir, j'avais dit qu'en principe, l'argent d'un musulman irait d'abord chez le musulman. Pour faire profiter les musulmans, car le kafir, yani même la vie elle-même qu'il vit, normalement, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il fait, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que lui ne l'a pas fait. Naam, alors que lui ne l'a pas fait. Naam. C'est pour ça que en principe, l'argent d'un musulman doit partir vers un musulman bi'idn azza wa jal. Mais il est permis de donner, par exemple, de la zakat, pas zakat il mal, l'autre zakat. On donne à un kafir pour l'attirer vers l'islam ou pour éloigner son injustice. Naam, on peut lui donner de la zakat, de la grande zakat, zakat al-mal. Naam. Et on peut donner aussi à un kafir de l'argent normalement, de l'aumône, si par exemple il est dans la nécessité. Il est dans la nécessité. Mais comme ici, yani, il paye les dettes, je ne crois pas que yani, ça soit obligé. Je ne suis pas obligé de lui payer ses dettes. Maintenant, si quelqu'un veut le faire de lui-même, ça c'est autre chose. Naam. Mais en principe, l'argent va d'abord aux musulmans. Bi'idnillah azza wa jal. C'est pas au kuffar. L'argent des musulmans va aux musulmans bi'idnillah azza wa jal. Sauf si on a, comme je viens de dire, on a quoi? On a un intérêt. On a un intérêt pour l'attirer vers l'islam ou pour éloigner yani son injustice. Il fait du tort aux musulmans, etc. Quelqu'un qui est mort, c'est un kafir hada, khlas. Il est mort. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. C'est un quito. Tfadli. Yallah, tfadli. Ibn Kathir. Non, c'est la dernière question, inshallah. Barakallahu fik. Salam alaikum, je travaille dans une usine de chips où on produit beaucoup de goûts différents. On les chips croquis, piquants. Dans cette dernière, lorsqu'on regarde, derrière on trouve tous les ingrédients. Exemple, E2, E3, CE, ça correspond à du bœuf. Est-il haram de manger ou que je contribue dans la production? Mais j'ai juste à réceptionner le carton et le mettre sur palette. Franchement, je n'ai rien compris. J'ai rien compris à cette question. Allez, c'est des mathématiques. E3, C2, perpendiculaire. C'est quoi ça? Je n'ai rien compris. Non. E2, E3, le périmètre et la surface du rectangle. Je n'ai pas compris, non. Et ensuite, il y a un bœuf à l'intérieur. E2, E3, CE, ensuite il y a le bœuf. Le bœuf, j'ai pas compris où est-ce qu'il se trouve dans le chiffre, ça. Là, j'ai pas compris. Oui, il y a un bœuf, il dit il y a un bœuf derrière. Où est-ce qu'il est le bœuf, j'ai pas compris. Est-ce qu'il est à l'intérieur des chips ou là, comment? Subhanallah, ta'amallah, tu as compris toi? Tu n'as pas compris toi aussi, hein? Non. Oh, j'ai pas compris. Ibn Kathir aussi n'a pas compris. Non, je demande à. Donc, ce sont à base de bœuf. Ah, le bœuf il est où? Il est dedans. Ça, ah, le bœuf il est égorgé ou là il n'est pas égorgé? Ah, le bœuf il n'est pas égorgé, ça? Hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. طيب ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى عفوا que cette personne m'écrive, elle m'écrit, c'est mieux, elle m'écrit ان شاء الله في جيميل et ان شاء الله تعالى je lui répondrai. Il y a du bœuf, non, elle m'écrit ان شاء الله et je méditerai sur la question, je répondrai ان شاء الله تعالى. Je demanderai à mes sœurs et mes frères qui m'écrivent pour leurs questions de m'écrire à ma nouvelle adresse apprendre l'islam gmail.com, de ne pas m'écrire à Ibn Taymiyyah Hotmail. Non, vous m'écrivez apprendre l'islam. Peut-être quelqu'un va l'écrire. Écrivez-le, Inch'Allah, dans l'affiche. Affichez-le, Inch'Allah. Apprendre l'islam, voilà, comme ça. Apprendre avec deux P. L'islam, c'est attaché avec apprendre. Apprendre l'islam, gmail.com. Inch'Allah ta'ala. Naam, Tam Allah est en train de rire. Naam, je croyais que tu avais l'autre à la maison. Ça y est. Amin. Je disais que le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, il sera samedi. Mais, Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer vendredi, après les repères de la Sunna. Quand les repères de la Sunna se terminent vendredi, vous rentrez, Inch'Allah, dans la salle. Juste, on n'y aura pas de das. Juste, j'ai dit que, Inch'Allah Ta'ala, vendredi, après les repères de la Sunna, on se rencontre pour, on va faire, Inch'Allah Ta'ala, 2 heures pour seulement questions-réponses. Seulement questions-réponses, parce que, il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vous donne rendez-vous à vendredi, après les repères de la Sunna. Quand les repères de la Sunna terminent, on fera, Inch'Allah Ta'ala, question-réponse, comme ça, à main levée, sans le dars. Si, Inch'Allah Ta'ala, vous avez des questions, pour que je réponde, bi'idnillah azza wa jalla. Naam. Inch'Allah Ta'ala, je dois vous laisser. Non, on se reverra sur la table.